Bonsoir, nous sommes bien heureux de vous retrouver avec toute la joie de nos épisodes Roue Libre. Malgré le mauvais temps, le froid et la pluie, et surtout en dépit de la Covid, nous sommes bien contents d'être au rendez-vous pour parler science avec tous nos auditeurs, et ce soir encore, nous allons vous le prouver si besoin en était. Nous sommes le mercredi 9 décembre de l'an pas tellement de grâce 2020. Bienvenue dans Podcast Science, émission 431. Ce soir, c'est moi, Irène, qui vais vous présenter cette émission depuis Bastia. Et j'ai une superbe table autour pour compléter. Alors, on a d'abord Pascal à la technique, non loin de Mulhouse. Salut tout le monde. Nous avons ensuite Alexa, qui est loin, à Los Angeles. Salut tout le monde. Nous avons Eléa, qui est confinée depuis Strasbourg. Salut. Nous avons Cléora depuis Perdueville. Hello à tous. Nous avons ensuite Joanne depuis Paris. Salut. Et enfin Robin depuis Paris lui aussi. Salut. Alors ce soir nous avons un programme vraiment riche et on va démarrer avec Robin qui va venir nous parler du palais de la découverte. Et si j'ai bien compris, ça va être de façon récurrente au cours des 5 prochaines années. Alors accrochez-vous. Après, voilà. Ensuite, malgré le ras-le-bol général, on va quand même vous parler de la Covid parce que en ce moment, les vaccins font vraiment le buzz et notamment ces fameux vaccins ARN. Donc, on va essayer de voir un petit peu ce qu'il en est. Ensuite, Alexa et Joanne vont nous parler de la triste catastrophe survenue au télescope d'Assirebo. Et puis Cléora va heureusement nous réchauffer le cœur en nous parlant du chant des oiseaux. Et enfin, on finira joyeusement avec la réponse à l'énigme du moment, le quiz, qui est une question absolument fondamentale. La lune influence le cycle menstruel. Est-ce une info ou une intox? Voilà, donc on commence avec Robin. On t'écoute, Robin. Oui, alors ça fait longtemps que je ne suis pas intervenu à Podcast Science, j'ai plein de bonnes raisons. Et là, j'ai envie de faire quelque chose parce qu'il se passe quelque chose de très important dans ma vie, puis pas que dans ma vie, pas que pour moi, qui est la fermeture du Palais de la Découverte. Alors pour ceux qui ne me connaîtraient pas, parce que ça fait un moment que je n'ai pas parlé, je travaille donc au Palais de la Découverte depuis une quinzaine d'années. D'ailleurs, si vous cherchez... bien, mais normalement ça se trouve assez rapidement, nous avions fait une émission entière à propos du Palais de la Découverte qui avait duré de mémoire 3 heures, je crois, parce qu'il y avait beaucoup de bavards autour des micros. Et donc vous pouvez aller écouter ça si jamais vous ne connaissez pas le Palais de la Découverte. Et donc le Palais de la Découverte ferme pour 5 ans de travaux. J'ai encore un peu du mal à réaliser ce que ça veut dire au moment où je le dis. Depuis que je suis arrivé au Palais de la Découverte, donc il y a 15 ans, le Palais de la Découverte va fermer, c'est annoncé, on le sait. Alors c'est toujours pour l'année qui vient ou pour 2 ans plus tard, et puis à chaque fois finalement les projets ne se font pas. Donc c'est devenu une tradition au Palais de la Découverte, on sait que le Palais de la Découverte va fermer, on sait qu'on va nous demander de travailler à des projets de réorganisation, de rénovation totale, tout ça. Et puis les vieux de la vieille m'ont dit, quand moi j'ai commencé à m'affoler, ils m'ont dit oui, non mais attends, on en est au 20e projet de rénovation, t'affole pas. Et puis là, c'est vrai, ça marche, ça va vraiment se faire. Alors, c'est à la fois stressant, évidemment, angoissant, et à la fois enthousiasmant de se dire on va pouvoir refaire un palais de découvertes. Enfin, c'est quelque chose de complètement dingue d'être à cette place-là, à ce moment-là, de pouvoir éventuellement réfléchir à ça. Donc c'est un mélange de plein de sentiments. C'est évidemment très très difficile d'avoir à le vider. C'est quand même quelque chose, un musée qui a ouvert en 1937, donc il y a plus de 80 ans. On a fêté d'ailleurs ces 80 ans il y a 3 ans. On avait fait plein de choses, entre autres une visite nocturne. Moi j'avais fait une visite de nuit, toute la nuit, de minuit à 6h du matin, quelque chose comme ça, qui avait été filmé en direct par... j'ai oublié comment il s'appelait, Thomas des Nuits Originales, avec des membres de Podcast Science qui étaient venus aussi faire des choses. Et donc voilà, donc là, ce que je me dis, c'est que ce qui serait sympa, c'est que pendant ces 5 ans, le Palais des Découvertes va rouvrir, on tient tous à ce qu'il y ait un pont, un lien entre le Palais des Découvertes tel que les gens qui l'aiment le connaissent, voilà, tel qu'ils le connaissent, les expériences, l'ambiance, l'atmosphère très particulière. Pour ceux qui ne connaissent pas, bah tant pis, c'est trop tard, mais je vais essayer de la décrire un petit peu petit à petit aussi, cette atmosphère-là, cet état d'esprit. Et on aimerait qu'il y ait un lien avec le futur Palais des Découvertes. On aimerait que ça ne soit pas à partir de zéro que ce Palais des Découvertes soit conçu. Et je trouve que c'est un moyen de le faire que de donner des points d'étape comme ça régulièrement. Je ne sais pas si je vais réussir à faire quelque chose à chaque roue libre, mais de dire un petit peu ce qui se passe, de dire les projets futurs, de dire les projets qui se mettent en place, de dire les travaux en coulisses, ce qui se fait en coulisses aussi, les métiers auxquels on ne pense pas forcément quand on pense au Palais de la Découverte, les métiers de l'ombre, les techniciens, les gens qui s'occupent même des choses administratives. En fait, l'idée m'est venue, c'est quelque chose que France Culture avait fait il y a quelques années, quand il y avait eu le déménagement des Archives Nationales. Il y avait eu une chronique hebdomadaire, 5 minutes hebdomadaire, à propos des archives, du déménagement des Archives Nationales. Et je me dis que ça m'avait vraiment beaucoup marqué parce que ça avait duré plusieurs années et on s'imprègne d'un lieu, d'un état d'esprit. Et j'aimerais beaucoup réussir à faire ça à propos du Palais des Découvertes. Bon, je suis déjà très long, donc je vais essayer de raccourcir un peu. Ce que je voulais vous dire pour commencer, ça c'est donc annoncer un peu cette idée de rubrique récurrente pour donner des nouvelles du Palais des Découvertes fermé mais qui continue malgré tout à exister. Ça serait de commencer par ce qui se passe là maintenant. Ce qui s'est passé maintenant, évidemment, la crise sanitaire n'a pas vraiment aidé. On était censé faire une immense fête pour la fermeture du palais, qui évidemment n'a pas eu lieu. On était censé, nous, entre personnel, on s'était déjà, entre collègues, on s'était déjà dit qu'on allait passer des soirées, qu'on allait passer une nuit dans le palais, qu'on allait faire des choses comme ça. Et bah, évidemment, rien de tout cela n'est possible. Donc il y a une grosse frustration là-dessus. Et puis ce qui se passe là maintenant est pas forcément très rigolo, quoique, c'est que en fait il faut tout vider, et donc là ça se termine. Demain c'est le dernier jour où je vais pouvoir aller au Palais de la Découverte, un principe sauf vraiment si on a oublié un gros truc, normalement moi je ne pourrais plus y aller avant 2025, donc c'est un peu émouvant, c'est un peu particulier. Je me suis un peu enregistré, alors je vais pas les passer aujourd'hui parce que je fais ça trop à l'arrache, mais j'ai enregistré des atmosphères sonores du palais, histoire d'avoir une espèce de... Il y a plein de choses qui ont été faites, des photos qui ont été prises, des films. Il a fallu filmer les exposés, puisque ce serait la dernière fois que ces exposés dans ce cadre-là seraient donnés. Donc il y a des gens qui ont été embauchés pour filmer des exposés, tous les archiver. Certains ont été mis en ligne d'ailleurs suite au premier confinement. Il a fallu décider de ce qu'on allait jeter, de ce qu'on allait conserver, de ce qu'on allait donner, de ce qu'on allait vendre, ce qui était très très compliqué. En plus, encore une fois, avec la crise sanitaire, où c'était compliqué de se rendre sur place, où c'était compliqué de faire des réunions, c'était vraiment vraiment pas facile. Et puis en dehors des manips, donc ça il a fallu faire ce choix là, même donner c'est compliqué en ce moment, il a fallu faire tous ces choix là. Et l'autre chose auquel on pense probablement moins quand on n'est pas dans le personnel, c'est qu'il a fallu vider aussi les bureaux. Et alors ça, les gens ne se rendent peut-être pas compte, alors sauf les gens qui sont déjà venus dans mon bureau au Palais des Découvertes, j'ai la chance depuis quelque chose comme 3 ans d'occuper un des bureaux les plus improbables et donc les plus beaux, les plus chouettes, les plus charmants du Palais de la Découverte. C'est dans un lieu complètement improbable. D'abord, sa porte donne dans la salle Pi, donc c'est une salle d'exposé circulaire, et il y a une porte, ça paraît déjà assez improbable qu'il y ait une porte dans ce cylindre comme ça. Et en fait, il y a un couloir, un escalier en colimaçon, et en haut, il y a mon bureau, enfin, ce qui était mon bureau. Un lieu très improbable que, je vais garder la description précise à l'enregistrement que j'ai fait sur place. Et ce bureau était occupé, je ne sais pas depuis combien de temps, mais au moins depuis 50 ans, par l'unité maths, c'est-à-dire par des gens qui se préoccupent des maths. Alors il y a eu d'autres personnes, c'était un bureau dans lequel il y avait 2 personnes à un moment. Mais en tout cas, il y a des gens qui étaient là depuis très longtemps, et quand ils sont partis, ils n'ont pas tout emmené, ils ont laissé un peu. Et donc il y avait une sorte de sédimentation de documents là-dedans, Donc, juste pour vous donner une petite idée, je suis tombé en vidant et en triant, par exemple, sur un compte-rendu de comité hygiène et sécurité qui datait de 1977. Donc, c'est assez rigolo. Il y a la préfecture de police qui a l'air d'être... ça a l'air d'être à peu près la première fois que ça arrive, cette chose-là. La préfecture de police de Paris qui dit, bon, quand même, ça serait bien de faire un petit peu le vide autour du planétarium, parce que bon... Voilà. Donc il y a des petites remarques comme ça, des choses assez amusantes. Je suis tombé sur, alors cela dit, ça on en a trouvé pas mal, mais je vais commencer par autre chose. Je suis tombé sur un guide touristique destiné aux scolaires. Donc les scolaires qui viennent à Paris, que pouvez-vous faire à Paris? Ben, un certain nombre de choses, dont aller au Palais des Découvertes. Ce guide datait de mars 1939. Donc j'ai très hâte d'avoir fini le déménagement pour aller jeter un œil à ce guide. J'ai très envie de regarder à quoi ça ressemble. Pour vous dire à quel point il y avait des trésors dans ce bureau. Il y avait des plans, il y avait des échanges de lettres. Parce qu'évidemment, avant, il fallait tout faire par lettres. Et donc, on est tombé sur des échanges de lettres entre des médiateurs du Palais des Découvertes et des personnes extérieures pour organiser un événement, pour organiser une exposition, puis des lettres de remerciement après, tout ça. Et tout ça a été archivé, donc des dossiers entiers avec 20 versions d'un article, parce que pour écrire un article, pareil, ça passait par des lettres. Donc ça, c'était assez rigolo. Je suis tombé aussi sur un truc très rigolo, qui est le service des air comprimé de Paris, qui annonçait qu'il allait avoir une coupure de l'air comprimé de tel jour à telle date, à tel jour à telle date, à telle heure. Et donc l'air comprimé, hein, pour ceux qui ne connaîtraient pas, bah, il se trouve que pendant quelques dizaines d'années, il y a eu un réseau de pneus, c'était pour envoyer des messages rapidement, il y avait des tuyaux avec air comprimé, on mettait un petit rouleau, ça existe dans certains films, on mettait un petit papier dans un cylindre et on envoyait ça dans les tuyaux. Et ben, il fallait annoncer que entre tel jour et tel jour, à telle heure, le réseau allait être fermé pour entretien, exactement comme on a des messages comme ça pour l'entretien des réseaux informatiques de nos jours. Donc ça, c'est vraiment des choses qui étaient assez amusantes. On est tombé sur des plans faits à la main d'espaces d'exposition, de manip qui ont été fabriqués par les équipes du Palais des Découvertes. On est tombé sur des tas de choses comme ça. Et c'est assez terrible de devoir, dans l'urgence, avec cette histoire de Covid d'Alanois, où on ne peut pas se poser pour en discuter franchement tout ça, clairement tout ça, il a fallu se décider très vite, on garde, on jette, on archive, est-ce que quelqu'un peut le prendre quelque part, etc. etc. Donc voilà, c'était toute l'histoire du Palais de la Découverte qui était caché dans ces bureaux qu'il a fallu vider. Et donc ça, voilà, c'est la première étape. Il y a des choses qui ont été vendues, il y a eu une vente aux enchères, les décimales de pi ont été vendues aux enchères, les décimales de pi qui donc étaient dans la salle depuis 1937, il y avait 700 décimales, elles ont été vendues par paquet de 10. Le premier paquet a quand même été vendu à 4 400 €. Le grand gorille, pour ceux qui se rappellent, il y avait un gorille plus grand que nature, trois fois plus grand que nature, qui vous accueillait quand vous entriez au Palais des Découvertes, il a été vendu 10 000 euros, pareil, à vente aux enchères. Les prix ont apparemment volontairement flambé parce que les gens qui ont participé à cette vente aux enchères étaient surtout des gens qui voulaient soutenir en fait le Palais des Découvertes et montrer comme ça qu'ils étaient attachés au Palais des Découvertes. Donc voilà, ça c'est la première étape, on est en train de tout vider. Enfin, on a globalement, vidé les bureaux et dit où tous les objets devaient aller. Et le déménagement a déjà commencé et va continuer. Donc par exemple, dans les chroniques à venir, je me dis que ça serait intéressant d'expliquer, de raconter ce que deviennent les animaux par exemple, ce que deviennent les plantes, ce que deviennent les objets qu'on ne garde pas, qui a voulu reprendre des objets, pour quelles raisons. Et puis vous parler aussi, encore une fois, de nos projets, de comment on travaille à réouvrir le futur Palais des Découvertes et à faire des projets pendant ces 5 ans pour que l'esprit du palais perdure. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop long, j'espère avoir été clair sur ce que je voulais faire, et j'espère surtout tenir le choc pendant 5 ans. Non, mais ça s'annonce passionnant, effectivement. Il y a beaucoup de choses. En tout cas, voilà, depuis que je suis au palais, on dit le Palais des Découvertes va fermer. Bah, là, le Palais des Découvertes a fermé au public pendant les vacances de la Toussaint. Est-ce que vous avez des projets de musée non officiel du Palais de la Découverte, in memoriam du bon vieux temps, ou... De musée non officiel, je vois pas bien ce que tu veux dire. On a, bah ça, je vais le développer, hein, mais il y a un Palais de la Découverte éphémère qui va être ouvert pendant tout le temps de la fermeture, alors qui va être très très petit par rapport au Palais de la Découverte, dans lequel on pourra quand même un peu accueillir le public. Donc je sais pas si c'est de ça que tu voulais parler. Non, je parlais d'un truc où vous exposiez les objets les plus insolites exhumés du déménagement. Ça, on les a. Il a fallu les vider. Donc, il y a des gens qui ont pris des choses chez eux. Il y a des gens qui ont. Il y a des gens qui ont. Il y a des choses qui ont été données. Il y a des universités, des lycées, des gens voilà qui ont récupéré des choses. Et donc, en gros, là, pour l'instant, il y a des choses qui ont été stockées. Je vois pas où on pourrait les mettre. En fait, on va avoir juste des bureaux là hein, pendant 5 ans. On va pas avoir des masses de place. Donc, il y a les choses qu'on garde dans le palais des découvertes éphémères. Et puis dans nos bureaux, on n'a pas de quoi mettre grand-chose, quoi. Hein. C'est des bureaux, quoi. Faites une salle secrète des catacombes de Paris. Y a alors voilà, on a très envie de ce genre de truc. Il y a des gens qui ont pris encore une fois des choses chez eux. A priori, ils n'ont pas le droit. Mais bon, on a essayé aussi de sauver un maximum de choses, quoi. Je veux dire, il y a un moment, rester dans les clous, dans les conditions dans lesquelles on ferme le palais, c'est compliqué, quoi, aussi. Donc voilà, on va essayer. Ce qui est certain, c'est que... Encore une fois, pour toute personne qui est déjà venue au palais, il y a vraiment un état d'esprit particulier. C'est un lieu qui a un charme fou, dont le charme de l'ancien, qu'on ne pourra plus retrouver, en tout cas pas immédiatement. Et donc, c'est clair qu'il va y avoir une volonté de préserver ça d'une manière ou d'une autre. Après, avoir un lieu où on peut exposer des objets, ça va être compliqué. Ça va être nos bureaux, quoi. Ça va être... et moi, j'aimerais bien savoir qui c'est qui a récupéré ce singe et qu'est-ce qu'elle ou il va en faire. Eh bien, je n'en sais rien. Je ne me suis pas du tout renseigné sur qui avait acheté quoi. De toute façon, je crois qu'on ne le savait pas. Je crois que c'était anonyme. Hein. C'était du coup la vente aux enchères. Bah, du coup, la vente aux enchères a eu lieu en ligne. Donc, c'était des numéros quoi, qui ont acheté des trucs. Un singe qui fait 3 fois la taille naturelle, ça doit être... Oui, il faut avoir la place chez soi. Ouais, je suis assez d'accord. Je sais qu'alors dans les décimales de pi, je sais que j'ai une collègue, Marie, qui était là justement pour parler du palais des découvertes dans l'épisode du palais de podcast science à propos du palais là. Elle en a acheté un paquet. Elle en a acheté 10. Bon, ça sera donc, intéressant voilà. De voir. Ouais, donc, super c'est, intéressant. J'espère faire passer le fait que c'est voilà, on est évidemment. Je vais essayer au maximum, ce qui n'est pas dans ma nature, pour tous ceux qui connaissent, pour tous mes collègues, ça peut être, ils vont peut-être être angoissés de me voir me lancer là-dedans, parce que disons que je vais essayer de ne pas me lancer dans de la politique, quoi. Hein. Je vais essayer de ne critiquer personne, je vais essayer de ne pas vous faire part de nos angoisses trop fortement, de dire qu'il y a des gens qui font pas leur métier comme il faudrait, des choses comme ça, parce que ça va pas être le lieu. Et puis je veux dire, il y a pas à rendre public la soupe interne, quoi. Je vais vraiment essayer juste de vous dire ce qui se fait. Et puis de ce qu'on a pu archiver de façon sonore et des choses comme ça, quoi. D'accord. Bon. Ok. On va parler maintenant d'un sujet d'actualité. C'est vrai qu'on est toujours très hésitant à parler d'actualité sur Podcast Science, mais c'est vrai que là, c'est quand même un sujet qui fait le buzz et avec plein de questions qui se posent. Donc, on a décidé de vous parler ce soir des vaccins à ARN. Voir un peu ce qu'il en était, expliquer un petit peu. Alors du coup, j'ai préparé un petit dossier et voilà. Donc il faut quand même rappeler un petit peu brièvement ce que c'est qu'un vaccin. L'idée des vaccins, c'est d'entraîner d'une façon générale notre système immunitaire pour reconnaître un virus ou une bactérie le plus souvent. Hein. Et activer nos défenses immunitaires, donc de façon à prévenir une infection ultérieure, de neutraliser le vrai intrus s'il venait à nous infecter. Sachant qu'en gros, c'est quand même la même chose qui se passe lors d'une réaction normale d'un organisme vivant. Hein. Sauf qu'ici, on va éviter que ce soit l'intrus qui gagne la bataille. Donc on a des façons pour activer ce système immunitaire et que ce soit l'intru qui ne gagne pas la bataille au final. Alors, ceci dit, historiquement, donc on va pas s'étendre sur l'histoire des vaccins ici, mais c'est vrai que ça fait très longtemps, depuis l'Antiquité, on sait que des personnes qui sont atteintes une première fois d'une maladie infectieuse ne vont pas tomber malades une seconde fois. Et donc, c'est de là qu'est née cette idée de contaminer, on va dire, entre guillemets, légèrement une première fois une personne, pour la protéger ensuite des possibles contaminations ultérieures. Alors, il y a plein de vaccins différents, il y a plein de formulations différentes, mais les dernières en date, ce sont bien ces vaccins acides nucléiques, notamment les vaccins ARN, bien que pour l'instant, il n'y en ait aucun qui soit commercialisé. Alors, voyons un tout petit peu ce qu'il s'agit, de quoi il s'agit. Alors, c'est vrai, brièvement, ce serait peut-être utile de rappeler un petit peu les bases de la biologie moléculaire, pourquoi, où se place l'ARN dans tout ça, en fait. Si vous vous souvenez de vos cours du collège, au sein du noyau de nos cellules, notamment, on a l'acide nucléique, l'ADN, qui est donc le support génétique qui code toute notre machinerie protéique. Et cet ADN va être transformé, qui se trouve lui-même dans le noyau, mais qui va être transformé en ARN, donc la deuxième gros type de molécule nucléique au sein du cytoplasme. Et c'est à partir de cet ARN qu'il y a toute une machinerie qui se met en place, toujours dans le cytoplasme, pour aller fabriquer les protéines. Voilà, on en a parlé plusieurs fois dans Podcast Science, ce genre de séquence. Et donc, l'ARN, donc, c'est donc cette deuxième étape qui est intermédiaire entre les protéines et l'ADN. Donc, c'est pour ça que souvent, on l'appelle aussi un type d'ARN, ça s'appelle l'ARN messager. Alors, d'ordinaire, la plupart des vaccins contiennent ou par exemple, des virus entiers qui ont été inactivés ou atténués. Parfois, ce sont des bouts d'une bactérie ou d'un virus. Mais ici, donc, l'idée, c'est d'injecter un ARN messager, un type d'ARN, donc, qui contient l'instruction pour aller fabriquer les protéines. Il contient l'instruction pour aller fabriquer donc une protéine étrangère directement à l'intérieur des cellules dans lesquelles il a pénétré, donc ces cellules hôtes de l'organisme, qui sont au final nos cellules à nous. Donc, hein. Donc l'idée, vous l'avez compris, c'est d'injecter de l'ARN messager avec pour but ultime de produire une protéine et stimuler notre réponse immunitaire, donc dans un but de protection. Donc on va synthétiser des ARN messagers, on utilise un matériel génétique synthétique. Et puis, comme ce sont des molécules qui sont très fragiles, les ARN, il est important, lorsque l'on veut les injecter, qu'elles soient bien que ces brins synthétiques soient protégés. Et on va les enfermer dans notamment des petites vésicules qui sont faites de lipides, qu'on appelle des liposomes. D'abord parce que ça les protège, les molécules d'ARN, mais aussi ces vésicules lipidiques, elles ont la particularité de traverser les cellules plus ou moins spontanément. Donc à l'intérieur de ces vésicules, les ARN vont être stabilisés. On stabilise souvent avec des polymères qui sont chargés positivement, parce que l'ARN lui-même est chargé négativement. Donc ça fait un complexe assez stable. Ça permet aussi de protéger le tout des enzymes qui peuvent éventuellement dégrader l'ARN qu'on trouve dans les tissus, dans le sang. Et donc, au final, ça améliore aussi la pénétration dans les cellules. Alors, le liposome, donc, l'idée, c'est qu'il va rentrer à l'intérieur des cellules cibles. Ces cellules cibles, elles se trouvent au site de l'injection. Donc, c'est comme tous les vaccins, hein, on injecte. Et donc, il y a des cellules qui se trouvent dans le coin, en fait. Et cette enveloppe lipidique, elle va rentrer dans la cellule et l'ARN messager va être libéré et il va directement utiliser la machinerie cellulaire pour obliger la cellule hôte à fabriquer un antigène spécifique du virus. Alors, il y a eu pas mal de discussions pour choisir quel était cet antigène et en fait, il y a eu pas mal de discussions, mais finalement, tout est allé très, très vite. Et c'est un peu une raison pour laquelle ça a surpris beaucoup de gens, la mise au point de ces virus ARN. Et c'est, en fait, ça tient à plusieurs choses. D'abord, il faut savoir que la publication du génome viral a été finie en janvier 2020. Et ça, c'est parce qu'il y a eu des travaux antérieurs qui ont beaucoup aidé. Vous vous souvenez sans doute qu'il y a d'autres coronavirus qui ont défrayé la chronique, notamment en 2003, c'était le SARS. En 2012, c'était le MERS, donc d'autres virus, coronavirus. Et à l'époque, il y avait eu pas mal de travaux déjà qui ont essayé de mettre au point des vaccins contre ces agents pathogènes, mais ils ont été abandonnés parce que l'épidémie s'est éteinte. Néanmoins, c'est parce qu'il y a eu ces connaissances qui ont été acquises qu'on a pu obtenir rapidement des données qui, notamment, ont permis d'obtenir la structure précise du SARS-CoV-2, mais aussi de décider de la cible à privilégier pour un éventuel vaccin pour fabriquer donc ce vaccin ARN. Alors, juste, est-ce que je peux dire juste un petit truc rapide, Irène, parce que c'est super intéressant ce que tu dis. Effectivement, le génome complet hyper bien annoté, où on comprend tout ce que ça fait, c'est janvier, t'as dit janvier 2020, c'est ça ? C'est ça. Voilà. Et on a eu, en fait, juste avant, il y avait quand même des bouts de séquences qu'on avait. Et depuis janvier 2020, je pense que pour que les gens se rendent compte des puissances de génomique qu'on a aujourd'hui, on a aujourd'hui des génomes de SARS-CoV-2 de plein de personnes différentes qui ont été récupérés sur plein de personnes différentes. On en a des milliers, quoi. Et ouais. On a tout ce qui a été fait. Donc voilà, c'était juste pour souligner, pour que les gens se rendent compte de notre qu'on a eu effectivement très tôt la séquence du virus et que maintenant on a les séquences de qui ont été trouvées sur plein de gens et qui nous permettent d'étudier l'évolution du virus aussi. Depuis. Ouais, ouais, c'est énorme, ouais, ouais. Donc, on a pu choisir la cible rapidement. Et cette cible, elle s'appelle la protéine S. S, c'est pour spike. C'est la protéine qui va permettre au virus de s'attacher à la cellule cible. Et en fait, plus particulièrement, c'est une partie de la protéine S qui a été choisie. Et c'est la protéine, c'est sa région RBD, Receptor Binding Protein. Voilà, donc on va revenir un petit peu sur cet ARN messager, mais en voyant un petit peu aussi ce qui se passe, c'est que une fois que l'ARN est rentré dans la cellule et qu'il a déclenché donc la machinerie protéique de formation des protéines et que la défense immunitaire a été déclenchée, ben, qu'est-ce qui se passe? C'est là où ça devient aussi un petit peu compliqué, c'est parce que on ne connaît pas très bien encore tous les mécanismes d'action du virus ARN. Ce qui se passe en aval, on ne le sait pas très bien. On sait qu'il y a plusieurs types de cellules qui sont capables d'aller internaliser ces ARN qui vont être traduits en protéines. Et on a bien montré que les vaccins ARN messagers stimulent aussi bien ce qu'on appelle la réponse immunitaire cellulaire que la réponse immunitaire humorale. Alors là, un bref rappel, dans le corps, on a grosso modo, on va simplifier deux types de réponses immunitaires. Une qui est humorale, c'est-à-dire qu'il y a sécrétion d'anticorps par des cellules spécialisées. Et puis, il y a une réaction immunitaire plutôt cellulaire qui fait intervenir d'autres types de cellules, de globules blancs, et qui sont plus indépendants, on va dire, des anticorps, en fait. Qui ont plus un système, ce qu'on va dire, de phagocytose pour aller lutter contre les intrus qui pénètrent dans l'organisme. Donc, ce sont deux cellules, deux réponses immunitaires qui sont très complémentaires, qui travaillent l'une avec l'autre, mais qu'on distingue quand même. Et on sait donc que ces vaccins ARN sont capables de stimuler ces deux types de réponses immunitaires. Mais on ne connaît pas très bien encore les mécanismes. Ce qui est intéressant aussi, ce dont on s'est aperçu et qui fait un petit peu la force de ces virus ARN, c'est que non seulement ce sont les protéines qui ont été synthétisées au cours de cette cascade qui vont stimuler la réponse immunitaire, mais en fait, l'ARN messager lui-même peut déclencher une immunité innée, en fait. Et ça, c'est très important. Alors, je vous passe les détails ici, mais on connaît un petit peu le mécanisme par lequel cet ARN messager peut déclencher une réponse immunitaire innée et c'est assez spécifique des virus ARN finalement. Alors le problème c'est donc qu'on ne connaît pas très bien cette réponse immunitaire, surtout d'un point de vue cinétique. Donc ça c'est problématique, c'est-à-dire que par exemple on voudrait bien être sûr que lorsque la réponse immunitaire est établie, elle va durer dans le temps par exemple. On aimerait bien savoir aussi si cette réponse immunitaire elle est solide dans le temps, mais est-ce qu'elle protège aussi du virus? Donc ça, c'est pas très clair non plus. Sachant que de toute façon, pour l'instant, on ne sait même pas si ce qu'il en est lorsque les gens sont contaminés par le virus eux-mêmes. On ne sait pas très très bien, on n'a pas encore des données clairement établies sur la réponse immunitaire des gens qui ont attrapé la COVID, en fait. Il y a beaucoup de données qui sont contradictoires à ce niveau. Même si on sait, encore une fois, qu'il y a eu activation des deux types de réponses immunitaires. Donc, au final, on ne connaît pas le degré et on ne connaît pas la durée de la protection immunitaire naturelle et celle du vaccin non plus. Par contre, on sait qu'il y a eu quelques cas, qui sont très rares, hein, mais qui ont été décrits quand même, qui ont été publiés, où il y a eu plusieurs au moins deux contaminations consécutives chez les mêmes patients. Donc ça, c'est une problématique qui est centrale et qui devra quand même être résolue pour savoir exactement ce qui s'est passé. Est-ce que c'est un défaut des vaccins ou est-ce que ce sont des cas isolés que l'on pourra considérer comme, on va dire, négligeable par rapport à l'ensemble des personnes immunisées. En ce qui concerne la composition de l'ARN messager, c'est un petit peu compliqué. Si vous voulez, on vous mettra dans les notes d'émission la composition de ces structures synthétiques. Il y a plusieurs séquences, hein, outre la séquence qui va produire la protéine, il y a des séquences de stabilisation, etc., d'activation de la machinerie, etc. Ce qui est intéressant ici, c'est que ces vaccins sont capables d'activer les deux volets de la réponse immunitaire en se passant de ce qu'on appelle les adjuvants. Alors, les adjuvants, ce sont des composés que souvent on utilise dans les vaccins pour intensifier la réponse immunitaire. Alors, il y a plusieurs types d'adjuvants, les sels d'aluminium, etc. Et souvent, ce sont ces adjuvants qui ont été critiqués par les personnes qui sont anti-vaccins, en fait. Donc, ce qui est intéressant aussi dans ces vaccins ARM, ce qui est important de noter, c'est qu'il n'y en a pas. A priori, il n'y a pas d'adjuvants, donc ça, c'est quand même un point bénéfique. Excuse-moi, je t'interromps, j'ai une question. Est-ce que c'est une... Quand tu dis que c'est un des avantages, c'est qu'il n'y a pas d'adjuvant parce que ça a été critiqué. Donc, est-ce que tu dis que du coup, c'est un avantage uniquement finalement de représentation ou est-ce qu'il y a un autre avantage au fait qu'il n'y ait pas d'adjuvant? Est-ce que c'est effectivement, il y a moins d'effets secondaires ou pas? Est-ce que certains des effets secondaires sont potentiellement viennent des adjuvants? Pour l'instant, il n'y a pas eu d'effets secondaires clairement imputés aux adjuvants, déjà. Ouais. Ensuite, Il y a l'autre avantage, c'est que ça simplifie la fabrication des vaccins et ils reviennent moins chers, en fait. Donc, tout ça, c'est des avantages. La simplicité et le fait que bah, y a moins de cibles quant aux possibles effets secondaires, en fait. D'accord, merci. Alors, d'autres avantages, c'est que... ils sont facilement ce type de vaccin, c'est facile de les produire à grande échelle et à faible coût. Donc ça aussi c'est très important si on veut faire des vaccinations de masse, c'est quand même un gros point positif. Ils sont faciles à produire. Il y a certains vaccins qui sont beaucoup plus compliqués. On peut citer par exemple le vaccin de la grippe qui nécessite de cultiver les virus à l'intérieur d'œufs de poule parce que les œufs de poule sont très riches et ils sont stériles, mais c'est très compliqué en fait. Donc le fait d'avoir un vaccin qui soit facile à produire à faible coût, donc à grande échelle, c'est quand même un gros avantage. Alors, les inconvénients, c'est que déjà, on a quand même un manque de recul scientifique à l'utilisation. C'est vrai qu'il y a beaucoup de données, hein, on a pas mal de données, mais en même temps, elles sont souvent très contradictoires, en fait. Il y a aussi le fait, par exemple, qu'on sait que cette vaccination à ARN messager, ça active la réponse immunitaire cellulaire ou humorale, mais on sait aussi qu'il y a une production d'interférons qui, selon un mécanisme que l'on connaît bien, qui est spécifique à l'introduction d'ARN messager à l'intérieur d'une cellule. Il y a des systèmes de protéines qui reconnaissent cet ARN messager et qui peuvent induire une production d'interférons. Donc, activer, donc les interférons, ce sont des molécules dans l'organisme qui jouent un rôle important dans la réponse immunitaire et notamment l'inflammation. Et donc ces interférons risquent d'activer le système immunitaire et ça pourrait accroître l'inflammation, voire peut-être, mais là il faut faire très très attention quand on le dit, provoquer des maladies auto-immunes. Donc tout ça, ce sont des points d'interrogation, il faut l'envisager. Pour l'instant, il n'y a pas eu de données qui puisse nous faire penser que l'on aille dans cette direction. Néanmoins, ça existe et il faut au moins adresser le problème. D'ailleurs, jusqu'à présent, les essais cliniques qui ont porté sur des milliers de personnes sont plutôt rassurants. Il y a eu quelques petits effets indésirables. Dans l'ensemble, il n'y a pas eu, on va dire qu'il n'y a pas eu de réaction indésirable vraiment sérieuse en fait. Ceci étant dit, les études ne sont pas terminées. Et les personnes vaccinées auront besoin d'être suivies pendant plusieurs semaines après avoir été immunisées pour qu'on ait la certitude qu'il n'y a pas de risque en ce qui concerne les effets secondaires. Alors, il y a quand même une autre question qui se pose au-delà de ces effets secondaires et du problème de la cinétique de la réponse immunitaire, c'est qu'il y a la question des mutations. Ça, c'est une grosse question. Là encore, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de données qui sont contradictoires. Alors, on sait que le virus mute, mais les gens ne sont pas d'accord. Parfois, le Centre national de recherche en France, la semaine dernière, a fait une conférence disant que le virus ne mutait pas beaucoup. Et puis, il y a d'autres endroits où on voit que le virus mute beaucoup. Alors, c'est quand même incroyable. Ceci étant dit, on sait qu'il mute. Mais, par exemple, il va muter moins que celui de la grippe. Il va muter environ 10 fois moins que le virus de la grippe, probablement environ 100 fois moins que le virus du VIH. Mais on connaît, par exemple, c'est ce que disait un peu Alexa au début, on connaît quand même pas mal de familles de virus du SARS-CoV-2, en fait, et il y a pas mal de variants. Alors, du coup, le problème, c'est que c'est bien beau d'avoir une réaction immunitaire, mais s'il y a des mutations, ça risque d'annuler, en fait, les bénéfices de cette réponse immunitaire. Il y a des modifications qui sont survenues sur le domaine de fixation de récepteurs des virus. On les a décrites. Et ça pourrait décrire, au moins en partie, les rares cas de récidive d'infection que l'on a pu voir dans certains articles, en fait. Dans tous les cas, il faut bien savoir que ce risque de mutation, ça plaide quand même en faveur d'un maintien du confinement, et oui, je suis désolée, jusqu'au développement d'un vaccin pour éviter de voir apparaître des virus qui ne sont pas sensibles à la réponse immunitaire induite par le vaccin, tel qu'il va être peut-être utilisé dans la population. Alors, autre inconvénient de ces vaccins, c'est la fragilité des ARN messagers, qui est quand même un handicap. Hein. Il y a Pfizer, donc une des compagnies pharmaceutiques qui travaille sur ce type de vaccin, a annoncé que son vaccin devait être conservé à moins 80 degrés Celsius. Donc ça, c'est des problèmes évidents de logistique qui ne sont pas négligeables. Donc ça sera impossible d'acheter son vaccin en avance et de le stocker au frigidaire, par exemple. Donc ça, ça complique la chose. Enfin, je voulais souligner quand même deux points importants quand même, parce qu'on entend beaucoup de choses et on lit beaucoup de choses sur Internet. D'abord, il n'est pas possible à l'ARN du virus de s'intégrer dans le génome humain. C'est pas possible parce que notre génome est constitué d'ADN et que l'ARN, d'abord, ne pénètre pas dans les noyaux des cellules où se trouve l'ADN. Il ne peut pas s'intégrer dans le génome parce qu'il devrait pour cela être d'abord transformé en ADN. Et chez les humains, ce n'est pas possible. Et puis ensuite, ce sont des molécules qui sont vite dégradées par les cellules. Donc tout ça fait que ces histoires que l'on entend où le vaccin ARN risque de modifier le génome humain n'a pas lieu d'être. Et puis, la question, c'est aussi de savoir, une fois que la réaction immunitaire est déclenchée, la machinerie cellulaire de production de la protéine est déclenchée, comment ça va s'arrêter ? Parce qu'il faudrait quand même que ça s'arrête au bout d'un moment. Ouais. Et ça va se faire tout seul, en fait. Elle ne va pas être produite en permanence parce que notre système immunitaire, lui, il va quand même finir par détruire ces cellules qui produisent les protéines virales. Donc ça va progressivement tuer, en fait, le processus de production de ces protéines. Alors, il y a Alexia qui avait une question, je crois. Vous m'entendez ? C'était une question de la chatroom, en fait, de François A, qui demande si le problème potentiel de mutation du virus n'est pas spécifique au vaccin à ARN. Alors, non, il est certainement pas spécifique. C'est par exemple le problème des virus, des vaccins contre la grippe, par exemple. C'est que les problèmes de mutation des virus font que c'est difficile de vacciner. Voilà, donc, effectivement, parce qu'on a des virus qui mutent plus ou moins vite. Vas-y, Eléa. Non, je disais... Ouais. C'est plus une question générale, du coup, sur l'évolution du virus qu'on essaye de traiter avec un vaccin, en fait. S'il change tous les ans, ça ne sert à rien de développer un virus contre ce virus-là en particulier. Oui, un vaccin. Oui, c'est d'ailleurs aussi pour ça que c'est très dur de développer un vaccin contre le VIH, parce qu'il mute tellement, tellement souvent que c'est très, très dur. On a beaucoup de mal à développer un vaccin contre le VIH parce qu'il mute souvent, souvent, souvent, souvent, très souvent. Voilà, donc en conclusion, eh ben, à l'heure actuelle, il faut d'abord savoir qu'il n'y a eu jusqu'à présent aucun vaccin à ADN ou ARN qui a été commercialisé chez l'homme. Par contre, il en existe en usage vétérinaire, hein, chez les chevaux, les chiens, les saumons d'ailleurs, apparemment j'ai vu, je ne sais pas. Donc c'est quand même pas tout à fait nouveau. Hein. Une autre précision, c'est comment on calcule l'efficacité d'un vaccin, en fait. C'est aussi une question qui est importante pour qu'on puisse comprendre un petit peu l'évaluation de ces vaccins, parce qu'on voit des chiffres, mais on ne sait pas forcément à quoi ça correspond. Alors, l'efficacité d'un vaccin est calculée en regardant combien de gens attrapent la maladie, en l'occurrence la COVID, dans un groupe de volontaires qui sont vaccinés par rapport à un groupe placebo. Donc, c'est assez simple, hein. Alors, les deux vaccins ARN les plus avancés pour le moment, c'est ceux du laboratoire américain Moderna et puis le vaccin aussi américain de Pfizer. Et pour l'anecdote, c'est celui que l'Angleterre a utilisé hier, je crois, c'est le Pfizer, en fait. Nous donne des chiffres, enfin, comment dire en français, il nous propose une... Enfin, ils annoncent une efficacité de 94 à 95%. Mais c'est vrai que d'un autre côté, il n'y a pas eu de données qui a été vraiment publiée dans des revues scientifiques. Donc, c'est des données de Pfizer, mais ça n'a pas été vérifié scientifiquement, du moins pas publié, en fait. Ouais, vas-y. Ouais, peut-être une nuance. En fait, comme c'est des industriels, ils n'ont pas fait de papier académique validé par les pairs, mais il y a quand même un rapport de la FDA sur tous les effets et les trucs mesurés. Donc, c'est vrai que ce n'est pas les mêmes canaux, pour le coup, d'ordinaire. Ouais. Mais les chiffres sont publiés, oui, c'est ça. Enfin, les chiffres sont publics, pardon. Publiés en double aveugle. Enfin, pas publiés avec un rapport de référé, oui. Ouais. Mais c'est quand même des données qui ont été données par Pfizer, quand même. Donc, bon. Oui, bah en même temps, ils sont obligés de les donner à un moment. Tout à fait. Mais je pense qu'il faudra qu'elles soient validées par une tierce personne ou un tierce organisme, quand même. Oui, idéalement, il faudrait que ce soit testé dans un cadre plus large que juste par eux, si on veut être tout à fait objectif et tout à fait... Et à titre de comparaison, le vaccin contre la grippe est efficace, ça dépend des années, entre 20 et 60%, parce que c'est ce dont on parlait ci-dessus, hein, c'est que c'est un virus qui mute, et donc il faut refaire un nouveau vaccin tous les ans. Celui de la rougeole, en revanche, est efficace à 97%, donc là, oui, ça marche bien. Donc pour l'instant, les données des laboratoires montrent que la majorité des effets secondaires sont plutôt légers, en fait. C'est assez classique, hein, fatigue, frissons, douleurs, etc. Et voilà, mais ça encore, ça demanderait à être vérifié. Là, je viens juste de lire qu'il y a eu quelques soucis hier en Angleterre avec des gens qui ont fait une réaction immunitaire assez forte chez des parents, des patients qui avaient déjà un terrain allergique. Mais bon, tout ça fait que c'est à voir. Voilà, donc ceci étant dit, je vous laisse décider par vous-même si en l'état actuel des connaissances, vous êtes prêts. Et si vous voulez ou non vous faire vacciner. Il y a une question dans la chatroom de Quadruple Ben qui demande, est-ce qu'on a une idée de la part de la population à couvrir pour calmer la propagation du virus ? Je me souviens plus de ce que l'on espère, mais je crois que c'est 60%, je crois, mais je suis pas sûre. Il faudrait couvrir 60% de la population pour que la maladie s'éteigne toute seule, en fait. Ceci étant dit, ça a vérifié. Ouais, en tout cas, il faut que la majorité des gens soient vaccinés, ouais, dans une population. Je crois que c'est 60%. Il y a un aspect intéressant et peut-être qu'on n'a pas développé là, c'est que, enfin, il y a des gens qui disent ouais, c'est suspect parce que vraiment ça va très vite et etc. Faut juste remettre en perspective la situation. On se retrouve face à une pandémie mondiale où tout d'un coup toute l'attention des scientifiques, des médias, de tout le monde entier est tournée vers ce truc. Les gens ont séquencé le virus en un temps record. Ils ont tous un peu concentré leurs efforts pour aller vers une technologie de vaccin qui est du coup plus facile à mettre en œuvre. Les vaccins ARN, c'est vraiment plus rapide à fabriquer, à déployer, etc. Et c'est aussi pour ça qu'ils ont exploré cette piste plutôt que... un vaccin classique qui aurait demandé plus de temps. Donc ça explique en partie pourquoi est-ce que les choses vont si vite dans ce cas-là par rapport à une situation normale. En général, l'approbation d'un truc, c'est tout un processus, hein. Ça peut mettre 10 ans, 20 ans pour approuver un médicament sur le marché, parce qu'il y a des étapes de débloquement, de financement successif et de déblocage d'essais cliniques petit à petit. Et là, dans cette situation, tout va très vite parce que tout le monde est concentré sur le problème et l'argent arrive en masse pour cette technologie-là. Oui, tout à fait. C'est une urgence sanitaire. Hein. Donc, les processus ont été simplifiés. Oui, oui. Alors, oui, effectivement, mais je pense que c'est pas simplifié d'un point de vue sécurité. Je pense que c'est important de le rappeler. C'est la sécurité est aussi haute que pour n'importe quel médicament. Mais comme disait Eléa et comme dit JPIF dans la chatroom aussi, on a mis un paquet d'argent aussi pour ça. Donc, on a actuellement toutes les ressources qui sont tournées là-dessus. Et je veux dire, moi, je travaille sur les chauves-souris. Nos derniers meetings avec les gens du monde des chauves-souris ont été tournés là-dessus aussi. Donc, c'est juste pour montrer qu'on a tous les efforts véritablement scientifiques qui convergent vers ça. Et ça, forcément, ça veut dire au niveau argent, au niveau, manpower, la quantité de travail, de gens qui travaillent là-dessus, et vraiment tourner là-dessus, c'est aussi pour ça que ça va vite. Et aussi, un essai clinique normal, c'est basé sur des volontaires, hein, des gens qui veulent bien tester un vaccin. Et là, on en a aussi beaucoup plus que d'habitude. Moi, j'ai plein d'amis chercheurs, notamment aux États-Unis, où on a eu des essais, alors je sais pas en Europe combien il y en a eu, mais aux États-Unis, il y a eu des essais de grande ampleur. Moi, quasiment tous mes amis chercheurs non à risque ont participé aux essais, quoi. Donc ça va aussi plus vite à cause de ça. On a beaucoup plus de gens qui ont été engagés dans ces. Ce qui est assez paradoxal, parce que en France, il y a énormément de gens qui sont super réticents. Et c'est vrai que d'un côté, il y a beaucoup de gens qui se portent volontaires, quoi. J'ai l'impression que là, il y a une grosse dichotomie dans la population, en fait. Oui, après, je pense qu'effectivement, t'as un biais des gens qui se portent volontaires vers les gens qui font de la science, qui sont plus, j'imagine, sensibilisés. Oui. Oui, tout à fait. Donc finalement, si ces essais cliniques ont été menés comme tous les essais cliniques, avec des groupes contrôles, etc., que les données sont pas truquées, et voilà, tout s'est fait, en fait, dans l'ordre des choses, même si ça s'est fait rapidement parce que tout le monde y a investi un gros effort synchronisé. Et finalement, la seule donnée qui nous manque, c'est le long terme et la protection long terme, éventuellement. Donc, c'est juste l'information qui manque parce que il n'y a pas eu le temps de le faire, forcément. Oui, c'est ça. C'est que la mise au point a été très rapide pour toutes ces raisons et celle aussi dont j'ai parlé au début, c'est qu'on a énormément, et Alexa l'a souligné, énormément de données sur le coronavirus. Ceci étant dit, il nous manque quand même l'information principale qui est de savoir est-ce que c'est protecteur, hein. Ça, on ne l'a pas encore. Y a, sur le long terme, je veux dire. C'est vrai que les études montrent qu'il y a des gens qui n'attrapent pas le Covid, mais est-ce que ça va être protecteur sur le long terme ? Ça, c'est super important. Voilà. Donc, wait and see, la science en marche, tout ça. C'est ça. c'est ça. Voilà, voilà. On passe au sujet de Eléa, d'Alexa et de Joanne. Très bien, c'est à moi. Et donc je vais vous parler d'Arecibo, qui est un télescope dont beaucoup de gens ont entendu parler, dont on va parler avec Alexa, et parce que ça s'est fini de manière un peu catastrophique la semaine dernière. On a même vu une vidéo un peu terrifiante en fait de l'édifice qui s'est écroulé. Donc voilà, si vous n'avez pas entendu parler, donc je vais vous rappeler un peu qu'est-ce que c'est que ce télescope, qu'est-ce qu'il faisait, et quelle science on a pu faire avec. Et donc donc c'est un radiotélescope, c'est-à-dire qu'il va capter les ondes radio, comme celles dont vous avez dans votre micro-ondes par exemple, ou dans les postes de radio aussi, si vous écoutez encore la radio comme ça, ce qui commence à se faire rare quand même. Et donc les radiotélescopes ont une place particulière car ce sont des structures absolument énormes et souvent assez dramatiques. Elles apparaissent dans pas mal de films et ainsi d'ailleurs Arecibo apparaît dans le film Contact de Robert Zemeckis. Donc c'est la toute première partie qui se situe là-bas. Après elle va dans une seconde partie qui est notre site tout aussi impressionnant qui est le Very Large Array au Nouveau-Mexique dont on parlera peut-être dans un autre épisode. Et donc bah justement contrairement au Very Large Array là qui sont ces grosses antennes blanches là qui peuvent être orientées très verticales, Arecibo c'est un télescope qui est tout à fait horizontal, c'est-à-dire que bah ils ont c'est pas sur une structure en fait, ils ont juste pris une montagne qui avait une forme vaguement circulaire. Et ils ont construit entre 1960 et 1963 un énorme arc de cercle de sphère de 305 mètres de diamètre qu'ils ont appelé une antenne. Donc cette antenne, en fait, ils ont recouvert la montagne de panneaux d'aluminium, chacun mesurant 1 mètre sur 3 mètres environ, qui permettait de supporter ces panneaux sur la montagne en fait. Mais du coup, comme c'est pas orientable en fait, parce que c'est littéralement accroché à la montagne en fait. Et du coup, comment est-ce qu'on fait pour identifier d'où vient le signal ? Comment est-ce qu'on fait en fait pour pointer ce télescope là ? Et en fait, c'est là où c'est intéressant, c'est que c'était le principe d'Arecibo, c'est qu'en fait, la grosse antenne en fait n'est qu'un réflecteur d'ondes, ce qui va réfléchir les signaux radio vers le capteur. Et le capteur, en fait, se trouve dans une nacelle qui est suspendue en hauteur grâce à des énormes câbles. Et donc, en fait, pour pointer, qu'est-ce qu'on va observer ? En fait, c'est la nacelle qui va bouger. On va garder le télescope au même endroit, de toute façon, on n'a pas le choix. Et en fonction de l'endroit où se trouve la nacelle, ça va obtenir des faisceaux qui vont venir d'un endroit ou d'un autre du ciel. Voilà. Et donc, c'est là, du coup, tous les capteurs étaient dans la petite nacelle qui était en haut, qui était une nacelle de 900 tonnes suspendue à 150 mètres au-dessus de l'antenne. Et c'est ça qui est tombé sur le... Désolé, je répète, il y a la porte qui a claqué derrière moi. Et c'est ça qui est tombé sur le télescope. En fait, les câbles ont commencé à lâcher peu à peu, en août 2020, un autre 6 novembre 2020, et la nacelle complète est tombée le 1er décembre, heureusement sans victime. Et donc, je vais même vous passer le bruit d'une nacelle de 900 tonnes qui tombe sur un télescope de 300 mètres. Voilà, et je vous encourage. En fait, c'est tiré d'une vidéo. Il y a plusieurs vidéos qui montent. C'est assez impressionnant quand même. Hein. Je vais mettre dans la chatroom aussi une image de à quoi ça ressemble après la destruction. Hein. Ça a vraiment ravagé le télescope. Du coup, il était déjà prévu qu'il soit annulé après la cassure du second câble, du coup, en novembre. Et là, bah, du coup, ça a encore plus accéléré le, voilà. Donc, et d'ailleurs, oui, donc, ça, ce qui annonçait bien la fermeture, c'est qu'il disait le 6 novembre que c'était plus, les règles de sécurité n'étaient plus respectées. C'est pour ça qu'ils avaient décidé la fermeture et effectivement, moins d'un mois plus tard, c'est pété la gueule. Donc, ils avaient effectivement raison de dire qu'il y a des problèmes de sécurité. Voilà. Et donc, une antenne de cette taille permettait d'avoir une énorme résolution sur le ciel. Et donc, j'ai parlé de un seul résultat de science qu'on a fait. Et puis, et Alexa vous parlera dans un second temps d'un des autres applications d'Arecibo pour lequel elle était aussi connue. Moi, je vais vous parler avec une seule découverte qui était en fait la confirmation des ondes gravitationnelles existent par une observation indirecte. Et donc pour ceux qui s'y connaissent un petit peu en astronomie, ils pourraient me dire, mais en fait les ondes gravitationnelles, elles n'ont pas été trouvées par l'interféromètre LIGO en 2016. Et bah en fait elles ont été observées directement en 2016, mais en fait elles étaient déjà connues depuis les années 80, justement grâce à Arecibo. Donc en 1974, il y a deux physiciens, Hulse et Taylor, qui ont observé avec Arecibo un pulsar qui avait été découvert quelques années avant. Est-ce que c'était qu'un pulsar ? Ce pulsar qui porte le doux nom de PSR J1915+1606. Et donc un pulsar, qu'est-ce que c'est ? C'est une étoile qui est morte. Et à la fin de sa vie, en s'écroulant, elle va se mettre à tourner extrêmement vite à cause de la conservation du moment angulaire. Et donc là, j'ai dit un gros mot, du coup, je vais définir ce que c'est que la conservation au moment du moment angulaire. Et que je suis sûr que vous avez tous fait ça quand vous étiez petits, et que enfin, je vois encore souvent des enfants qui le font. Vous êtes sur une balançoire, et donc il y a deux façons de se servir d'une balançoire pour vraiment s'éclater. Soit vous allez en avant, en arrière, etc. Soit vous faites des tours sur vous-même, vous vous entourez les cordes au-dessus de la balançoire, et puis vous lâchez tout et vous vous mettez à tourner très très vite. Si vous tendez les jambes, vous allez moins vite. Et si au moment où vous pliez les jambes sous vous, vous allez aller beaucoup plus vite à ce moment-là. Et bien ça, c'est la loi de la physique qui s'appelle, qui est la conservation de ce moment angulaire, qui dit que donc le rayon de ce qui tourne fois la vitesse de rotation est constant. C'est ça que ça veut dire, la conservation du moment angulaire. Donc ça veut dire qu'en repliant... Tu viens de ruiner toute mon enfance et toute ma conception naïve de tout ça. Pourquoi ruiner ? Je viens de le rendre encore plus excitant, comme ça tu pourras le refaire et tu auras l'impression de comprendre les étoiles à neutrons. Ah, c'est formidable. Merci, Joanne. Voilà. Et donc, donc c'est ça, en fait. C'est-à-dire que donc, quand vous repliez vos jambes sous vous, vous diminuez du coup le rayon de ce qui tourne et du coup, vous accélérez énormément la vitesse de rotation. Voilà. Et bien, c'est exactement ça qui se passe quand, à la fin de la vie d'une étoile, une étoile, comment ça marche, en fait, c'est un équilibre entre la puissance de réaction, de la fusion nucléaire, qui en gros fait une énorme explosion, qui pousse en permanence l'étoile vers l'extérieur, et la gravité qui pousse en permanence l'étoile vers l'intérieur. Et à la fin de la vie, quand elle a cramé tout son hélium, il n'y a plus l'explosion nucléaire à l'intérieur, et du coup, la gravité prend le dessus. Et là, on passe d'une étoile qui fait plusieurs centaines de milliers de kilomètres à une étoile qui fait quelques kilomètres même. Voilà. Et donc, c'est pareil que de ramener ses jambes sous la balançoire, mais d'un facteur 100 000. Et donc, l'étoile morte, qui tournait tranquillement, le Soleil, il tourne de... un tour en quelques semaines, mais comme du coup on a une réduction du rayon d'un facteur 100 000, du coup on va se mettre à tourner à plusieurs dizaines de fois par seconde, voilà. Donc voilà, et donc les étoiles à neutrons, c'est ça, donc les pulsars, c'est ça, donc celui qu'ils avaient observé, c'était un pulsar qui faisait 17 rotations par seconde, donc soit un tour toutes les 59 millisecondes, en envoyant des pulsations radio à chaque tour, extrêmement régulières, que les astronomes pouvaient observer. Donc c'est ça un pulsar. Et donc ils ont observé un pulsar un peu particulier. Donc les pulsars avaient été découverts quelques années avant et qui avaient d'ailleurs valu aussi un prix Nobel au directeur de thèse de la jeune personne qui les avait découverts, même si elle ne l'a pas eu. Ils ont observé un pulsar particulier avec Arecibo. Et en fait, l'avantage des pulsars, c'est qu'ils sont extrêmement réguliers. Donc là, je vous ai dit, c'est un tour toutes les 59 millisecondes, clac, clac, clac, qu'on arrive à observer en onde radio. Et en fait, ça fait des objets extrêmement pratiques parce que vous pouvez, dès qu'il y a la moindre perturbation en fait autour, ça va se ressentir. Vous allez passer à 59,5 millisecondes ou à 58,5 millisecondes. Et du coup, cette variation sur ce truc-là va vous renseigner en fait sur qu'est-ce qui se passe autour du pulsar ou qu'est-ce que c'est que ce pulsar-là. Comme c'est un objet aussi régulier, la moindre écart à la régularité va permettre de trouver ça. C'est comme ça que, par exemple, dans les années 80, on a pu trouver des planètes qui, de la taille de la Terre autour de pulsars, alors qu'on a trouvé les planètes de la taille de la Terre seulement dans les années 2010 autour des étoiles normales, donc plus de 20 ans après. Donc ça a été très efficace, en fait. C'est très efficace pour voir des petits effets, etc. Et donc là, c'est là ce que je voulais en venir justement pour ce pulsar-là, c'est qu'ils se sont aperçus qu'en fait, cette période donc, de 59 millisecondes, donc c'est une période de rotation de l'étoile sur elle-même, c'est une balle qui tourne sur elle-même, ils se sont aperçus qu'en fait, elle variait, c'est-à-dire que des fois, c'était un tout petit peu plus de 59 millisecondes et des fois, c'était un tout petit peu moins de 59 millisecondes. Et du coup, rien qu'à partir de cette information, en fait, ils ont pu en déduire la présence d'une autre étoile morte à côté et ils ont pu caractériser totalement le système. Donc là, on parle de deux étoiles, mortes toutes les deux, voilà, mais de 1,4 masses solaires, donc deux objets plus lourds que le Soleil, chacun, qui font chacun seulement quelques kilomètres de diamètre, qui tournent à plusieurs dizaines de tours par seconde sur elles-mêmes, tac, tac, et qui tournent l'une autour de l'autre en 7,75 heures. Voilà. Et là aussi, pareil, je vous dis 75 heures, mais la précision de la rotation du couple et la régularité sont monstrueuses. La période est de 7h45 minutes et 7 secondes. Voilà. Et donc, bah, là, vous avez un système qui est absolument démoniaque, avec des trucs énormes qui tournent à toute vitesse, etc. Et en fait, bah, c'est pour ça que c'est un truc particulièrement intéressant. C'est pour ça qu'ils ont obtenu le prix Nobel de physique. C'est qu'en fait, c'est le truc parfait pour pouvoir vérifier la théorie de la relativité, en fait. Parce que la théorie de la relativité, c'est très difficile de la tester au niveau terrestre parce qu'il faut des masses énormes, des vitesses énormes qu'on a du mal, en fait, à obtenir dans nos laboratoires. Et donc, l'astrophysique, pour ça, est très agréable pour tester la relativité d'Einstein parce que, vous avez accès à ce genre d'objets, donc des machins qui tournent à des vitesses diaboliques, des masses énormes qui tournent sur elles-mêmes en quelques millisecondes, etc. En fait, ce pulsar en particulier, ils se sont aperçus, donc je vous ai dit, la régularité autour desquelles les deux étoiles se tournaient l'une autour de l'autre avait tendance à très très légèrement diminuer autour du temps. Donc en fait, des 7h45 et 7 secondes, on a perdu 40 secondes en 30 ans. Donc c'est, quand je vous disais que c'était régulier, hein, c'est quand même pas beaucoup. On est passé de 7h45 à 7h44 en 30 ans environ. 7h44 à 7h44 pour faire le 7h45 à 7h44 minutes pour faire le tour. Et en fait, il se trouve que cette perte de vitesse était extrêmement bien expliquée en fait par le fait que il y avait une dissipation de l'énergie sous la présence d'ondes gravitationnelles, par la création d'ondes gravitationnelles. En gros, ce que ça voulait dire, c'est que le couple était tellement massif et tellement rapide qu'elle tordait l'espace-temps autour de lui, elle faisait vibrer l'espace-temps autour de lui. Et donc, même si c'était quand même trop faible pour qu'on puisse les détecter, ces ondes gravitationnelles, on pouvait détecter leur effet parce que on avait la perte de vitesse était exactement compatible avec ce qu'on pouvait obtenir si on mettait les ondes gravitationnelles dans la théorie. Et là, bah, par exemple, je vous ai mis dans la chatroom la prédiction et les points noirs, voilà, et la prédiction, ça colle exactement avec ce qu'ils avaient obtenu, voilà. Et donc c'est pour ça qu'ils ont obtenu le prix Nobel en 93. C'était pour toutes les validations de la relativité générale qu'on a pu faire grâce à ce trou noir que l'on appelle maintenant à ce pulsar qu'on appelle maintenant le pulsar de Hulse-Taylor ou PSR J1915+1606. Et je te laisse, Alexa. Voilà. Alors effectivement, comme tu l'as dit, le télescope a permis des découvertes très intéressantes en science. Il y en a même encore d'autres. Et peut-être qu'on peut mettre... Je crois que c'est Le Monde qui a fait un article là-dessus, justement, en interviewant pas mal de chercheurs. Ils ont été hyper exhaustifs. Donc évidemment, on n'avait pas le temps de couvrir tout ça ce soir. Moi, je voulais vous parler d'un autre programme qui a été très important lié à ce télescope, puisque c'est un programme qui a utilisé les données du télescope. Ça a été un des premiers grands programmes de sciences participatives, c'est-à-dire où tout le monde entier peut participer, où vous pouvez participer du moment que vous avez une connexion Internet. Et ce programme s'appelait SETI at Home, et je suis sûre que en fait, certains d'entre vous y ont participé. SETI at Home a commencé le 17 mai 1999 et a duré jusqu'en 2020, enfin de manière active jusqu'en 2015, mais en fait jusqu'en 2020. Donc ça a été vraiment quelque chose qui a été très long. Alors vous allez me dire, SETI at Home, c'est quoi? Alors c'était un programme de recherche de signaux extraterrestres, SETI signifiant Search for Extraterrestrial Intelligence, à partir des signaux radio venant de l'espace et captés par le télescope d'Arecibo. Alors, comment ça se passait? SETI at Home récupérait en fait tous les signaux radio récupérés par le télescope à partir d'observations qui étaient réalisées pour des projets scientifiques. Donc, ce n'était pas des signaux récupérés pour ça. SETI at Home juste prenait ce qui venait de ces projets scientifiques. Ces transmissions étaient ensuite enregistrées sur des bandes magnétiques à Arecibo et elles étaient ensuite numérisées, encodées et expédiées à Berkeley, où se trouvait en fait le projet, donc à l'université Berkeley. Et en fait, le problème que Berkeley avait à ce moment-là, c'est que la quantité de données issues du télescope, donc issues de toutes ces observations, était absolument énorme. Souvenez-vous qu'on était à la fin des années 90, donc elle était bien trop importante, d'ailleurs ce le serait même encore maintenant, pour être analysée par les ordinateurs de l'époque, les ordinateurs même d'une fac à l'époque, et même encore maintenant, ce serait vraiment colossal. Du coup, l'équipe de SETI, qui comptait 5 personnes, a eu cette idée absolument géniale d'utiliser les gens, tout le monde, vous, moi, voilà, pour analyser les données du radiotélescope afin de diviser le travail et de rendre possible l'analyse de cette quantité absolument colossale de données. Et l'idée, c'était d'utiliser Internet, qui à l'époque, 99, j'imagine que pour ceux qui sont assez vieux pour s'en souvenir, c'était quand même assez le début, hein, le début d'Internet étant vers 95-96, on va dire. 99, c'était pas encore du tout... Le débit, tout le monde n'avait pas la DSL, etc. Donc, c'était vraiment nouveau. Et cette division du travail permettait de pallier les puissances de calcul nécessaires et aussi de faire plus d'analyses, hein, puisqu'on pouvait analyser plus de fréquences avec une meilleure sensibilité à partir du moment où on a plus de puissance de calcul. Le but étant évidemment de faire le tri, quand vous avez des ondes radio, entre le bruit cosmique, le bruit lié aux activités humaines et tout le reste, et ce qui vous intéresse, des possibles signaux extraterrestres. Alors, comme je l'ai dit, aujourd'hui, en fait, ça paraîtrait assez classique, hein, d'utiliser la DSL, mais à l'époque, comme je l'ai dit, peu de gens l'avaient. Et peu de gens, en fait, même allaient vraiment sur Internet, à l'époque. On n'avait pas les réseaux sociaux et tout ça. Et du coup, le programme SETI lui-même, ça participait à un peu cet idéal d'Internet de l'époque, je trouve, qui était qu'on avait accès au monde entier et on avait accès à finalement ce nouveau moyen de communication qui permettait de tout faire, de faire des choses immenses, de faire participer le monde entier sur des choses. Et du coup, les scientifiques ont finalement pris ce parti-là, et on y croyait à fond. Et moi, je me rappelle, parce que j'ai participé à SETI at Home à l'époque, je me rappelle que quand c'est sorti, je pouvais pas participer parce qu'on n'avait pas la DSL encore à la maison, on avait notre forfait 30 heures Wanadoo, là, donc ça limitait quand même vachement 30 heures par mois, hein, je précise, qui limitait vachement l'accès qu'on pouvait avoir à la DSL, et je me rappelle que dès qu'on a eu la DSL, c'est le premier truc, je pense, que j'ai téléchargé, SETI at Home, pour pouvoir analyser les données et faire partie un peu des choses. Et en fait, c'est ce que plein de gens ont fait dès qu'ils ont eu accès à quelque chose d'illimité, un peu plus haut débit. Les gens ont pu tous se mettre ensemble pour analyser ces données. Et ça a même été un phénomène assez énorme, puisque 5,2 millions de personnes au total ont participé à ce projet. Au départ, les scientifiques visaient 50 000 à 100 000 personnes, et finalement, on arrive à des millions de personnes dans 220 pays, et ça correspond en fait à cumuler à 2 millions d'années de temps de calcul. Ce qui est quand même énorme. Et ça a été tout un phénomène aussi de je sais pas si on peut dire un phénomène de société, mais en tout cas pour les gens qui étaient sur Internet à l'époque, un sacré phénomène. étant donné qu'il y a des gens qui ont fait des SETI farms chez eux, qui récupéraient des vieux ordinateurs et qui essayaient d'avoir le plus d'ordinateurs pour analyser ces données le plus possible. Il y a des gens qui l'ont installé au travail sur leurs ordinateurs, puisque au travail, ils avaient plus de ressources. Il y a même des gens qui faisaient des concours entre eux pour savoir à qui analyserait le plus de données de SETI at home. Donc, c'était vraiment quelque chose qui était sans précédent. Alors, j'ai parlé d'envoi de données. Concrètement, qu'est-ce qui se passait dans votre ordinateur personnel? Votre ordinateur personnel, il recevait donc des données en provenance d'Arecibo qui avait transité par Berkeley, où elles avaient été fragmentées en petites unités de 107 secondes. Et l'ordinateur recevait une ou plusieurs de ces petites unités pour analyse. Ceux qui l'ont utilisé se souviennent du logiciel à l'interface graphique absolument mythique qui analysait les données radio sous forme de petites ondes. Là, on va vous mettre une image dans la chatroom. Et qui faisait le tri donc entre le signal extraterrestre, un bruit cosmique et en fait le logiciel, à travers l'analyse de ces pics, cherchait un pic dans la densité spectrale, des montées ou descentes gaussiennes, des triplets, un signal pulsé ou des corrélations de signaux. Et si un signal était confirmé comme intéressant, évidemment, SETI ensuite avait toute une procédure pour l'analyser. D'abord, SETI retournait regarder la même partie du ciel en attendant qu'une mission s'y intéresse. Donc, ça pouvait prendre un certain temps puisque SETI n'avait pas la main sur le télescope. Mais par contre, si on avait une confirmation du signal, alors le programme SETI pouvait avoir du temps d'observation sur le télescope pour réobserver cette partie, pour voir si on pouvait recapter ce signal. Et enfin, si un tel signal était détecté, si quelque chose, un signal extraterrestre était confirmé, SETI at Home prévoyait de faire une annonce en envoyant un télégramme IAU, donc pour International Astronomical Union, ce qui se fait en fait pour toute découverte astronomique importante, un télégramme qui contiendrait toutes les données importantes pour confirmer l'observation. Et encore plus cool, pour un programme participatif, il était dit que la personne qui aurait l'ordinateur, qui aurait trouvé le signal, aurait été co-découvreur sur le papier avec l'équipe de SETI at Home. Autant dire que quand on vivait le truc, enfin, je sais que j'étais pas la seule à le vivre comme ça, on regardait l'analyse de l'écran de veille pour voir si on avait un pic. On devait devenir dingue si on voyait un pic et on espérait tous trouver quelque chose pour faire partie de l'équipe qui aurait trouvé le premier signal. Alors, la réponse, j'imagine, la question, imagine, à laquelle vous attendez tous une réponse, c'est: est-ce qu'on a trouvé un signal? Alors, bien sûr que non, évidemment, ça aurait fait la une des journaux. Pour l'instant, aucun signal extraterrestre n'a été trouvé. Mais on a certains signaux inhabituels, en particulier un en 2004, ont retenu l'attention et donc seront éventuellement réanalysés. Et si vous voulez vous convaincre, si vous avez besoin de vous convaincre que 2020 est vraiment une année très triste, c'est aussi la date de fin de SETI at Home, qui a cessé d'envoyer des unités à tous les ordinateurs du monde le 31 mars 2020. Donc c'est quand même bien triste. Et maintenant, bien sûr, vous pouvez imaginer qu'avec la description du télescope, c'est vraiment fini et on parlait des images et des gens ont parlé dans la chatroom. Moi, les images de destruction du télescope, il y a plein d'analyses sur internet avec les câbles qui se brisent. Ça m'a vraiment brisé le cœur, quoi, de voir cette destruction parce que à cause de toutes les données scientifiques, mais aussi bien sûr de ce projet qui finalement a été très important pour la science, pour tout le monde. Grâce à lui et aux données d'Arecibo, le programme SETI a aussi pu valider la validité de ce genre d'approche. Ça n'avait jamais été fait avant. Et ça a pu montrer qu'en fait, n'importe qui sur Terre peut analyser des données scientifiques. N'importe qui a accès à Internet peut faire de la science, en fait. Peut apporter sa pierre à l'édifice. Alors, même s'il n'y avait pas grand-chose à faire, en vrai. On n'avait pas la main sur le programme, on n'avait pas la main sur les analyses. Mais ça a pu donner des vocations, ça a pu faire des gens qui s'intéressent au projet, qui peuvent lire des papiers, qui peuvent rentrer un peu plus dans le détail. Et moi, je trouve que d'un point de vue science participative, la science en général, c'est incroyable. Alors, à titre personnel, justement, moi, c'était ma première réelle expérience en tant que scientifique, si on y réfléchit. J'avais 15 ans, j'avais un ordinateur. Et voilà, j'ai fait de la science de cette façon-là. Pour moi, ça a été une des raisons qui m'a donné envie d'aller au-delà pour chercher peut-être l'inconnu. Hasard de la vie, en fait, j'ai pu aller physiquement voir ce télescope en 2017, à peu près 6 mois avant l'ouragan qui a endommagé le dish, donc la partie réflecteur du télescope. Et donc finalement, je me suis retrouvée physiquement à Arecibo, 16 ans après l'analyse des premières données que j'avais eues sur Sentiatome, parce que notre site de collection de chauves-souris à Porto Rico était à Arecibo, donc juste à côté. La station Terran se trouve dans la même forêt tropicale de la jungle. Et je peux vous dire que c'est vraiment quelque chose, Joanne vous a parlé d'à quel point le télescope était grand, mais quand on le voit physiquement, on arrive dans cette cuvette, la dish est absolument énorme, on passe les portes et on voit ce télescope suspendu absolument immense avec voilà, toute la machinerie, quoi. Et ce qui est aussi intéressant, quelque chose dont je voulais parler, c'est le côté humain derrière ce télescope, parce que contrairement à pas mal d'installations spatiales qui peuvent être situées dans des endroits un peu dans des pays qui sont pas des pays, enfin, Porto Rico est un peu occidental, mais un peu remote comme ça. Le télescope employait énormément de scientifiques locaux. L'université de Porto Rico avait un laboratoire d'habitabilité planétaire qu'il a toujours et qui formait énormément d'étudiants à l'observatoire. Ce qui veut dire que c'était pas uniquement une installation qui était là, quoi. C'est une installation qui formait énormément d'étudiants locaux à l'astronomie, qui participait vraiment à la vie scientifique de l'île. Et on a d'ailleurs beaucoup de gens qui ont brassé des carrières scientifiques. Le directeur, un des directeurs d'Arecibo, était un scientifique de Porto Rico, etc. Donc on avait vraiment cet aspect de vocation. Il était aussi tourné vers la vulgarisation scientifique de manière très très active. Quand on va visiter Arecibo, il y avait beaucoup de tours avec énormément de gens qui répondaient à toutes les questions pour expliquer tout ce qui se passait là-bas. On pouvait même visiter la salle de contrôle aussi. Enfin, il y avait énormément de choses qui étaient faites. Et finalement, c'était une fierté et un symbole pour Porto Rico aussi, qui perd énormément. Alors maintenant, on a des pétitions qui sont en cours pour le reconstruire, ou en tout cas pour conserver une activité scientifique et ou un héritage culturel sur ce site hors normes. Donc évidemment, c'est compliqué parce que ça nécessite énormément d'argent, c'est pas nécessairement la priorité de la NSF, mais bon, les gens ont quand même bon espoir que quelque chose va survivre, on va dire, même si c'est pas le reconstruire en lui-même. Mais voilà, pour moi, je pense que c'était important de partager ça, cet aspect à la fois important pour la science participative, mais aussi pour Porto Rico et pour tout l'héritage finalement de ce microscope, de ce télescope, sur le monde entier, mais aussi voilà sur Porto Rico localement. Je pense c'est super touchant. Se réaliser par. Ouais, moi j'ai pleuré quand j'ai vu l'effondrement du truc. Vraiment, ça a été c'était difficile, quoi. Et puis de voir aussi les réactions des gens, de tous les gens qui travaillaient au télescope, qui se sont largement exprimés sur Twitter ou ailleurs, on sent que c'est vraiment une partie de leur vie, quoi. Ouais, c'est impressionnant. Et du coup, il va être reconstruit ou qu'est-ce que... Pour l'instant, c'est vraiment compliqué. Je pense que Joanne pourrait en parler aussi. Enfin, en gros, pour les instruments comme ça, les gros instruments, c'est des appels d'offres énormes. Il faut que ça corresponde aussi à une priorité de la communauté scientifique. Mais il était toujours très utilisé, hein. Il y a plein de gens qui servaient encore des données qui étaient produites par ce télescope. Donc voilà, à voir. Je pense que pour l'instant, il y a aussi des décisions politiques vraiment fortes derrière, donc c'est très compliqué. Moi, je pense, de ce que j'entends des gens de Porto Rico en ce moment, c'est que, en tout cas, ils vont tout faire pour... ils peuvent pas le reconstruire tout seul, hein, mais pour qu'il y ait une offre de vulgarisation et une offre culturelle qui reste, quoi. Parce que c'est quand même un instrument qui a été pendant 60 ans là. Je veux dire, c'est pas... Donc ça va pas, le site va pas, je pense, disparaître comme ça, quoi. Mais après, ça va peut-être juste être un mémorial. Je peux juste dire un petit mot sur les propositions de. Donc pour le moment, il y a pas, ça vient d'arriver, hein, c'est extrêmement. Ils ont annoncé le 6 novembre qu'ils fermaient et c'est pété la gueule le 1er décembre, donc c'était vraiment un peu surprise pour tout le monde. On peut parler du télescope de. Alors je crois que ça s'appelle Greenbank, qui était donc en Virginie. Qui est assez connu parce que c'est une zone où il y a plein de gens qui sont sensibles aux ondes, là, comment on appelle ça, là, les... Électro-hypersensibles. électro-hypersensible, il y a plein, donc c'est une maladie qui est pas, enfin, on n'a pas détecté particulièrement de cause, mais donc voilà. Et donc, comme c'est une zone donc avec un grand télescope radio, ils ont coupé toutes les ondes dans quelques kilomètres carrés autour du télescope. Et du coup, il y a plein de gens qui viennent là-bas, qui viennent pour abaisser leurs mots. Voilà. Et donc, il y avait un télescope comme ça jusque dans les années 80, aussi une grande antenne comme ça à Greenbank. Et en fait, elle s'est pété la gueule et ils ont construit un autre machin, mais là, du coup, orientable. Donc, il y a un 100 mètres de diamètre, mais là, orientable, avec donc un truc qui peut s'orienter. Voilà. Donc, ça a été reconstruit, mais dans un design totalement différent. Et sinon, il y a un télescope exactement du même genre qui s'appelle FAST pour 500 meters array aperture S, je ne sais plus ce que ça veut dire, spherical télescope. Voilà. Qui a été construit en Chine et qui vient d'être mis en service, mais genre en 2019, quelque chose comme ça, donc juste au bon moment pour pas qu'il y ait de perte. Donc voilà, avec toujours le problème de bah, c'est pas les mêmes pays, et c'est vrai que l'astronomie pour observer, c'est peut-être pas forcément hyper simple. Mais après, bon, je connais des astronomes américains et européens qui ont été déjà observés avec FAST, donc c'est pas totalement impossible. Voilà. Mais encore une fois, bah, c'est un peu ce que disait Alexa, c'est un peu compliqué de trouver il faut que c'est des instruments aussi chers, il faut que ça réponde vraiment à une vraie envie de la communauté. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui peut être fait qui coûte le même prix mais qui soit vraiment différent? Est-ce que c'est vraiment ça où la communauté veut mettre ses sous ou pas? Donc ça sera une étude comme ça au final qui décidera de est-ce qu'on va reconstruire quelque chose ou pas, comment on va le reconstruire, etc. quoi. Ouais, c'est pas simple, hein. On a une idée du budget que ça prendrait pour le reconstruire par exemple tel quel? Ce serait des centaines de millions d'euros, si ce n'est au moins. Hein, c'est de cet ordre-là. Ouais. Oui. Je ne sais pas exactement pour ce télescope-là, surtout que ça a été fait dans les années 60. Donc, je pense que si on le reconstruisait maintenant, ça coûterait sans doute 2 à 3 fois plus cher avec l'inflation. Mais... Et les normes aussi. Mais dans le. Ouais, je peux parler des ordres de grandeur des gros télescopes, des gros projets d'astronomie. On compte en centaines de millions, voire en milliards de dollars. Donc, il y en a un qui est décidé. Enfin, un télescope de cette taille-là, c'est un souvent qui est décidé par décennies, quoi. À peu près. Hein, ouais. Donc, faut voir qu'il y a des. Il n'y a pas beaucoup de. Pas beaucoup de. Ouais. D'opportunités. Ouais. Bien, alors, bien. On voulait juste pour finir rapidement là-dessus, sur quelque chose d'un peu moins. Un peu plus léger quand même. Joanne a déjà parlé de Contact, parce que c'est un télescope qui n'était pas seulement iconique dans la communauté scientifique et des sciences participatives, mais en fait, vous l'avez vu dans beaucoup de films. Donc, vous l'avez vu dans Contact, vous l'avez vu aussi dans X-Files. Je suis désolée pour les gens qui sont trop jeunes par rapport aux années 90, parce qu'on a quand même beaucoup de références de cette époque-là. On l'a vu dans X-Files, dans l'épisode Little Green Men, qui ouvre la saison 2, où Mulder, évidemment, est à la recherche de signaux extraterrestres et va au télescope d'Arecibo pour éventuellement en trouver et voir des aliens, etc. Mais son apparition la plus mythique, je pense, est dans GoldenEye, qui est le premier James Bond avec Pierce Brosnan, qui est sorti en 95 et qui est quand même un film qui, dans l'imaginaire collectif, a atteint quand même un statut assez culte. Alors, dans ce James Bond, en fait, l'agent secret est chargé de retrouver la carte informatique qui permet de contrôler GoldenEye, qui est un satellite russe, qui est capable d'anéantir une capitale entière via des ondes électromagnétiques dans un rayon de 1000 km. Et l'histoire du film, bon, j'imagine que c'est pas un spoiler parce que ça fait quand même un bon temps que c'est sorti. Bond va parcourir le monde pour retrouver la piste de GoldenEye jusqu'à Cuba. Alors en fait, évidemment, c'est Porto Rico et Arecibo, mais dans le film, c'est censé être Cuba. Et le télescope est en fait une antenne radar géante qui contrôle le satellite et qui permet de contrôler le satellite. Alors dans le film, le télescope est caché sous un lac et il y a une scène absolument mythique. Bon, je l'ai revu hier pour être sûr de rien oublier, où le télescope sort du lac et l'eau est repoussée sur le côté. Alors évidemment, dans la vraie vie, le télescope n'était pas caché dans un lac et cette partie a été faite sur des maquettes et des miniatures en studio, mais beaucoup de parties du film sur la scène finale, les 30 dernières minutes ont été tournées à Arecibo, y compris lorsqu'il glisse là sur le dish avec Natalia et des scènes de bataille dans le haut du télescope, donc sur la plateforme, on a une scène assez mythique de bataille. et où à la fin le traître se fait jeter du haut de la plateforme sur le dish. Donc voilà, c'est assez ça se passe effectivement là-bas, et donc toute cette scène spectaculaire met en scène en fait ce télescope. Et d'ailleurs, il faut noter que comme on aime bien les destructions de ce genre de choses, la machinerie de l'antenne est détruite par bonde dans ce film, et le télescope est donc détruit. Alors pas de la même façon qu'il a été détruit donc là naturellement, mais plutôt avec une explosion. Voilà, donc on a eu ça, et je voulais aussi parler de la représentation d'Arecibo dans les jeux vidéo, parce que ce télescope a été aussi mythique pour ça. Alors si GoldenEye, le film, vous ne l'avez pas vu et il ne vous dit rien, si vous étiez en âge de jouer à la Nintendo 64 en 97, vous vous souvenez forcément de GoldenEye 64, qui est un jeu absolument mythique de la console, un des jeux les plus vendus dans le monde. Il s'est vendu à 8 millions d'exemplaires, et il est considéré aujourd'hui comme l'un des meilleurs jeux de tir de tous les temps, en fait. C'est un first-person shooter, donc c'est un Doom-like, donc un jeu de tir à la première personne, vous incarnez quelqu'un qui tire sur des gens avec des missions. Et c'était le premier jeu de tir à la première personne qui était aussi réel, en fait. Alors aujourd'hui, effectivement, la 3D est encore plus dégueulasse qu'elle l'était à l'époque, mais à l'époque, il faut se rendre compte qu'on n'avait jamais rien vu de tel. C'était le début de la 3D, on avait des ennemis qui étaient capables de réagir de manière complètement réaliste, de se mettre à couvert, d'entendre les coups de feu, etc. On avait le côté infiltration qui n'avait jamais été vraiment vu avant. On avait un mode multijoueur absolument incroyable, on pouvait jouer jusqu'à 4. Et ça aussi, c'était pas quelque chose qui était classique pour l'époque. Et une des, en fait, on a plusieurs missions de ce jeu qui se déroule donc à Porto Rico. On a la mission Jungle, où une des espionnes se fait tuer, qui se déroule dans la jungle. On a la mission Contrôle, qui se déroule dans la salle de contrôle pour reprogrammer le satellite. Et enfin, la scène finale, Cradle, qui a lieu sur la plateforme au-dessus du vide. Donc voilà, si vous voulez jouer à Arecibo comme si vous y étiez, bah vous pouvez jouer à GoldenEye 64, qui de toute façon est un jeu qui fait partie de l'histoire du jeu vidéo, donc que vous pouvez faire. Et pour terminer cette chronique, qui est décidément un peu longue, on retrouve aussi le télescope dans Battlefield 4, donc qui est un jeu récent cette fois, qui a inspiré une carte de mission, notamment la mission retransmission, dans lequel le télescope s'effondre, et là c'est vraiment flippant parce qu'il s'effondre exactement, quasiment de la même façon que le télescope s'est effondré en vrai, avec les câbles qui lâchent et les tours en béton qui perdent leur tête, exactement comme ça s'est passé. Voilà, donc c'est un peu triste, mais c'est un endroit aussi où vous pouvez retrouver le télescope dans ces jeux. Donc j'espère qu'avec, au travers de cette chronique avec Joanne, on vous a montré que le télescope était important pour la science, qu'il avait été important pour la science participative, mais qu'il avait aussi, de par son côté un peu démesuré, inspiré énormément de films, de jeux, etc. Ah ouais, c'est clair, ça rebondit dans tous les sens. Hein. Ouais. C'est impressionnant. Ouais. Mais je comprends que tu sois émue, c'est quand même important. Ouais. Dans ta vie, ça a joué un rôle important. Ouais. Oh ben, de plein de monde, en fait. Je pense que, ouais, ça, c'est, en fait, il a été représenté vraiment partout. Je pense que plein de gens ne savent pas, en fait, que c'était celui-là. Mais en fait, ouais. Bon, on va voir ce qui ça. Tu nous diras ce qui se passe dans le futur s'il y a des projets. Ah, bah, je pense que Joanne sera peut-être plus au courant que moi, mais oui, bien sûr, si via Légende Porto Rico, il y a des updates, on relaiera ici, oui. En fait, j'ai envie du coup de lancer une chronique, moi, à toutes les radios, toutes les roues libres sur des grands télescopes, parce qu'il y a pas quelque chose à dire sur. Il y en a plein qui apparaissent dans des films, etc. Du coup, ce serait génial, ouais. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Bon, on va passer à un sujet complètement différent, mais néanmoins fort intéressant. Et donc, c'est la chronique de Cléora qui va nous enchanter avec le chant des oiseaux. Cléora, c'est à toi. Coucou à tous. Aujourd'hui, dans cette petite série de chroniques autour des oiseaux, on va effleurer ensemble le sujet de la production et perception du son chez l'oiseau. Son monde acoustique, le propre monde sonore subjectif de l'oiseau. Pourquoi insister dessus? Bon, déjà, comme on le sait, un oiseau, ça chante, et on l'entend souvent, donc on imagine bien que la perception du son soit importante chez lui. Mais en plus, humains et oiseaux, ils partagent beaucoup de points communs. Tout comme nous, la vue et l'ouïe sont leurs deux sens principaux. Sur la manière dont on perçoit le monde, donc, on se rapprocherait davantage de l'oiseau que d'un chien où l'odorat prédomine, par exemple. Parlons bruit, parlons son, acoustique et audition. On va commencer par énoncer trois points communs que nous avons avec ces pourtant si éloignés dinosaures à plumes avec qui nous cohabitons. Tout d'abord, de manière générale, le spectre de fréquences perçues et entendues par l'oiseau est similaire au nôtre, si ce n'est plus restreint à nos fréquences aiguës. C'est-à-dire que, de même que l'humain, la plupart des oiseaux n'entendent ni les ultrasons des chauves-souris, par exemple, ou ni les infrasons des baleines. Ceci étant dit, je reste très général en prenant en compte tous les oiseaux. Mais il y a des milliers d'espèces parmi lesquelles il y a souvent au moins une espèce qui fait un peu l'exception. Et pas besoin d'aller chercher le plus exotique des oiseaux, hein, comme on l'a vu dans ma dernière petite chronique sur le rouge-gorge dans l'épisode 424 de Podcast Science. Ici, par exemple, pas mal d'espèces arrivent à percevoir quelques ultrasons. Et à l'inverse, le grand tétra, qui est une grosse poule sauvage habitant des taïgas qu'on peut toutefois retrouver sur quelques massifs montagneux d'Europe occidentale, et ben le grand tétra produit des sons très graves dont on ne sait même pas si lui-même le perçoit. Ce son étrange est donc produit par cette grosse poule sauvage qu'est le grand tétra. Deuxième point commun, et pas à démoindre, la communication sonore complexe de l'oiseau s'apprend. Et s'apprend par imitation. Tout comme le bébé humain qui imite les parents en disant « papa » ou « maman », puis plus tard qui imite les gens qui l'entendent pour produire d'autres mots et expressions, le petit oisillon apprend les motifs et phrasés de son chant par imitation. Enfin, je termine sur un troisième point commun qui semble être un peu plus discuté. Non seulement chez l'oiseau les fréquences sonores perçues et émises sont similaires aux nôtres, mais leur seuil de discrimination, pour séparer un son d'un autre, semblerait également similaire que ce soit au niveau de l'intensité, c'est-à-dire le volume du son en décibels, ou au niveau de la sensibilité temporelle, comme la capacité à déterminer lequel des deux sons est émis le plus longtemps. Une autre forme de sensibilité temporelle est la capacité à séparer un son d'un autre son émis juste après. Plus cet intervalle de temps est petit, plus on est sensible. Sur ce point, je n'ai pas une réponse très claire, je suis pas un expert. Dans les bouquins, on annonce que l'oreille de l'oiseau soit 10 fois plus performante que l'oreille humaine, c'est-à-dire 10 fois plus rapide à percevoir un son puis un autre, et ce de l'ordre de la milliseconde. Ce qui pourrait d'ailleurs faire sens à entendre la vitesse et la complexité des chants d'oiseaux. Alors qu'à l'inverse, des études et revues de littérature annoncent aucune différence de sensibilité temporelle. Puis, encore inversement, des études récentes renforcent l'idée que l'oiseau soit un expert de la sensibilité temporelle. Bref, là, tout de suite, si vous voulez vous lancer dans une revue littérature entière pour tirer tout ça au clair, je vous en prie. Moi, encore une fois en tant que petit amateur, de ce que j'en tire personnellement, rapido là, c'est que les papiers qui annoncent une sensibilité temporelle équivalente entre humain et oiseau semblent surestimer notre propre sensibilité. D'autant plus qu'il y a de fortes différences inter-individuelles. Bref, encore en plus que tout ça soit comparé au niveau de l'oiseau comme entité commune, car il y a des milliers d'espèces et également des fortes disparités parmi elles. En résumé, la perception auditive de l'oiseau semble être très similaire à la nôtre. À quelques caractéristiques près, dues notamment à une anatomie de l'oreille différente. L'oreille interne de l'oiseau est plus courte, genre elle ne se termine pas en colimaçon. Ah, et à l'extérieur, les oiseaux n'ont pas de pavillon. En même temps, je sais pas vous, mais je vois mal un oiseau avec des pavillons d'oreilles humaines. Ça serait pas trop aérodynamique. Malgré ces légères différences anatomiques, on entendrait et baignerait dans le même monde sonore. Mais du coup, est-ce qu'on peut aller plus loin? Est-ce qu'un oiseau peut carrément nous comprendre quand on parle? Pour répondre à cette question, quelques études isolées existent. Encore trop peu pour en tirer des conclusions et des généralités, mais parmi les connaissances dont on tend à établir, c'est qu'un oiseau peut faire la différence entre des voyelles très proches, genre « a »,« a »,« e », etc. Et même des syllabes et des mots. Encore mieux, l'oiseau serait capable de catégoriser et généraliser quelle que soit la fréquence. C'est-à-dire que si une femme ou un homme prononce la même voyelle, l'oiseau sait catégoriser les deux prononciations comme similaires. Et encore mieux, l'oiseau serait capable d'utiliser une syntaxe, tout comme nous quand on utilise des mots ou des préfixes. Certaines mésanges seraient capables d'utiliser des cris à signification simple pour les combiner et en donner une autre signification. Perception auditive effleurée, passons à la production sonore de l'oiseau qui cette fois-ci en est à un tout autre niveau, comme vous l'avez pu l'entendre. Les campagnards l'auront certainement reconnu, le chant que je viens de vous partager est celui de l'Alouette des Champs. J'ai dû le couper, hein, pour pas vous le donner en entier, car lui, c'est un fou dans sa tête, il est capable de chanter plusieurs minutes sans s'arrêter. En plus que ce soit très riche, avec des trilles, des crescendo, des motifs qui vont et reviennent, et même des imitations d'autres chants d'oiseaux. Comment un si petit oiseau peut arriver de telles prouesses? En fait, l'oiseau a la particularité d'avoir un organe bien à lui pour produire tous ces sons inédits, le syrinx. Il a la même fonction que notre larynx chez nous pour créer du son, sauf que le syrinx de l'oiseau est plus complexe. D'abord, il n'est pas placé au même endroit. Le syrinx est situé en dessous de la trachée. C'est comme si nos cordes vocales n'étaient pas au niveau de la gorge, mais carrément dans notre cage thoracique. Ensuite, pour vous visualiser l'organe, il forme un Y inversé. En haut, on va vers la trachée, puis la sortie du système respiratoire jusqu'au bec. Et en bas, deux bronches se séparent vers les poumons. C'est cette jonction entre trachée et bronche qu'on appelle le syrinx. Et tout juste avant que les deux bronches se rejoignent pour ensuite former la trachée, c'est là que sont les membranes capables de faire vibrer l'air à l'aide d'une ou plusieurs paires de muscles étalés autour de la zone. Et ces pseudo-cordes vocales qui n'en sont pas vraiment, il y en a dans chacune des deux bronches. C'est-à-dire que le son qui sort de chaque bronche peut tout à fait être indépendant, quitte à ce que l'oiseau puisse sortir deux sons différents en même temps. Voilà en quoi le chant d'un oiseau peut être si complexe. D'un souffle, il peut chanter pour deux. Mieux que de jouer qu'une seule note de la partition, l'oiseau est capable d'en faire deux simultanément. Le syrinx peut être plus ou moins complexe en fonction de l'oiseau. C'est un organe dont l'anatomie permet de faire de grandes classifications parmi les espèces. Par exemple, l'alouette que vous avez entendue plus tôt, ou le rouge-gorge que vous venez d'entendre, ont un syrinx très développé, avec beaucoup de muscles autour. Alors qu'au contraire, chez la cigogne, l'autruche ou le vautour, on ne parle presque plus de syrinx, car ça ressemble plus à un tube ou une trachée capable de faire du bruit. Après, ce que je viens de dire est à nuancer, comme toujours en biologie. Ça ne veut pas dire que tu as un syrinx hyper développé, que ça y est, tu es le meilleur chanteur de tous les temps, et que tous les sons que tu sors sont splendides. Prenez l'appel du jet des chênes, ou simplement de la corneille. Bah, ce sont des oiseaux qui ont un syrinx tout aussi développé que l'alouette ou le rouge-gorge. Pourtant, on ne peut pas dire que ce soit très agréable à entendre. Tout ça pour dire que même si l'organe permet des chants très développés, c'est pas parce qu'on en est équipé qu'on en fait des merveilles. Il n'y a qu'à voir l'être humain, hein. Tout le monde est équipé d'un cerveau et pourtant, on dirait pas trop. Bref, clairement, parmi tous les oiseaux, l'alouette est une des espèces qui ne rigole pas sur le sujet du chant. C'est un des oiseaux qui est aisément capable d'envoyer des centaines de notes à la seconde. Vous imaginez la partition de musique qu'on devrait écrire ? Justement. Quand on veut représenter visuellement le chant d'un oiseau, on utilise réellement une sorte de partition. On appelle ça un sonogramme. Au lieu des 5 lignes utiles à la partition de musique, mi, sol, si, ré, fa, on utilise simplement les fréquences du son, qui s'étendent donc de 20 à 20 mHz pour le spectre audible de l'être humain. D'ailleurs, si on compare le sonogramme d'une voix humaine en train de parler et le chant d'un oiseau, on peut tout de suite faire la différence. Je vais vous partager une image dans la chatroom et dans les notes d'émission. La voix humaine fait un gros pâté, très brut, alors que le chant de l'oiseau dessine des sons purs, tels des notes dessinées sur une partition. Il n'y a qu'à écouter le bouvreuil pivoine qui chante en posant ses notes ou doubles notes. Que le son produit par un oiseau soit si propre, si clean, si pur, ça m'a personnellement questionné. Comment quelque chose de biologique, d'organique, puisse fournir un instrument capable de produire des sons si purs. Pour moi, physiquement, quand on crée un son, il y a toujours des impuretés, ou au moins des harmoniques qui vont avec. Alors j'ai un peu plus cherché, et j'ai trouvé un papier qui résumait une hypothèse répondant à mes questions. En fait, l'oiseau serait capable d'articuler, littéralement. Le son produit par le syrinx n'est pas aussi pur que le chant de l'alouette quand on l'entend au milieu d'un chant. L'oiseau travaille et articule le son. Pour que le chant sorte ainsi, aussi joli, l'oiseau articule en modifiant le volume des cavités buccales et en jouant avec l'ouverture de son bec. Comme nous, quand on veut bien prononcer les syllabes. C'est-à-dire que l'oiseau, en fonction qu'il ait la flemme de bien articuler ou pas, il est capable de choisir s'il veut sortir un son dégueulasse et brut, ou bien un chant plus sophistiqué. Les deux sons entendus proviennent du même oiseau, du jet des chaînes. Le premier est un cri, un appel, qui ne mérite aucune articulation. L'autre est un chant qui mérite plus d'attention pour être articulé. On retrouve aussi cette même idée parmi les différents cris produits par les oiseaux. Les cris sociaux balayent de nombreuses fréquences pour qu'ils soient entendus et repérés et ne méritent pas d'être énormément soignés et articulés. A l'inverse, lors d'un cri d'alerte où l'oiseau veut rester caché, il choisirait une certaine fréquence pour ne pas être facilement localisé. Ici Oiseau Roger, vous m'entendez ? L'intrus aérien s'approche de Bravo. Restez groupés et cachés. Il devrait s'en aller. À vous. Chez nous aussi humains, on utilise certaines fréquences radio pour être discret ou à l'inverse être écouté. Pour terminer cette petite chronique, j'aimerais vous partager la diversité des communications sonores entre oiseaux. Car là, on s'est focalisé sur le chant puis le cri. Mais il n'y a pas que ça. Écoutez plutôt ce doux et curieux son. L'instrument à l'origine de ce vrombissement ne sort ni d'une trompette, ni du syrinx de l'oiseau et ses pseudo-cordes vocales. Ce son est le résultat de rapides battements d'ailes d'un oiseau vivant dans la moitié sud de l'Afrique, d'où son nom est Eurylem. Cet oiseau joue de la plume, mais de manière sonore avec ses ailes, pour faire vibrer l'air. Et ce n'est pas un comportement hasardeux, puisque l'oiseau fait des petits ronds de quelques centimètres pour à chaque fois revenir se poser sur la branche. Et non, ce petit oiseau n'est pas un phénomène isolé. Des sons à but communicatif émis par les oiseaux qui ne sont pas issus de leur syrinx, il y en a plein. Prenez un oiseau très connu des grandes villes européennes, le pigeon ramier. Et bah le bon gros pigeon là, il peut également communiquer en claquant ses ailes. Bon, c'est pas aussi mélodieux car il n'a pas une très bonne plume, mais il les frappe pour donner des claquements, des appels. Un autre exemple, encore une fois, pas besoin d'aller très loin, hein, la plus proche forêt tempérée suffit pour l'entendre. Un autre exemple, donc, cette fois-ci pour produire cette émission sonore, l'oiseau n'utilise ni les plumes, ni les ailes, mais son bec. Vous avez reconnu, c'est le tambourinage, dont utilise la majorité des pics pour marquer leur territoire. Et ici, c'est le tambourinage d'un pic-épêche. Ouais, parce qu'il est différent en fonction de l'espèce, tout comme le chant. D'autres espèces utilisent leur bec pour communiquer avec des claquements. Telle une des icônes d'une certaine région française, petit clin d'œil aux Alsaciens, c'est la cigogne blanche. Pour conclure cet aperçu, pris dans sa globalité, les oiseaux perçoivent un même monde sonore que nous. Au point de différencier nos propres mots utilisés, voire même identifier le rythme entraînant d'une musique que nous-mêmes percevons. Les oiseaux perçoivent donc aussi les autres chants qui ne sont pas de sa propre espèce. Pour les meilleurs chanteurs, ils les imitent carrément et les utilisent dans leurs propres chants. Mais du coup, dans tout ce brouhaha acoustique, comment l'oiseau reconnaît le chant de sa propre espèce d'un autre ? Car, je sais pas vous, mais si vous vous baladez en forêt en plein printemps ensoleillé, c'est vite le concert bordélique. Prenons une analogie humaine. Vous êtes à une grosse soirée avec beaucoup de bruit, de la musique, beaucoup de monde qui parle, des rires, des cris ici et là. Tout à coup, derrière vous, vous entendez votre prénom, comme si quelqu'un vous appelait. Ça vous met en alerte. Comment est-ce possible que parmi tout ce vacarme, vous puissiez percevoir puis reconnaître votre prénom ? Ce biais cognitif est appelé effet cocktail party, où chaque stimulus, ici la musique, le bruit, les cris et l'appel de son prénom, n'ont pas la même importance et notre attention se focalise sur ce qui nous importe, nous. Eh bah, ben, on pourrait imaginer que chez l'oiseau ce soit pareil, que le chant de sa propre espèce s'impose de lui-même par-dessus le chant des autres espèces. Au-delà de la perception du monde sonore commune, donc, on pourrait ainsi imaginer que l'oiseau ait certains biais cognitifs communs avec l'être humain. Mais là, c'est un tout autre sujet. Tout ce thème dont nous venons d'évoquer, et toutes ces intrigantes questions, tout ça, c'est du domaine des sciences de la cognition animale. Si le sujet vous intéresse, je vous renvoie vers l'éthologue Agatha et ses multiples interventions sous le pseudo le NITPI. Elle en parle tellement mieux que moi et en plus de manière plus rigoureuse, car bon, c'est un peu son domaine. Peut-être d'ailleurs que dans une prochaine chronique, j'en évoquerai certains de ces sujets, car j'aimerais faire un petit point sur les corvidés. Vous savez, là, les oiseaux noirs dont tout le monde dit que c'est un corbeau. Bon, ça, par contre, c'est une corneille, hein. Bon, allez, rendez-vous à la prochaine. C'est passionnant. Hein. C'est passionnant, c'est hyper bien fait en plus. C'est vraiment chouette. Le syrinx, ça, c'est quand même incroyable qu'un oiseau puisse produire deux sons en même temps. C'est quand même incroyable. En plus, moi, ça me donne envie d'aller écouter les oiseaux encore plus. C'est super bien. J'espère que nos auditeurs... j'espère que les auditeurs apprécient aussi. En tout cas, on aimerait bien avoir leur retour. Et c'est vrai qu'Agatha, elle était venue aussi dans l'émission nous parler d'éthologie. Et on espère qu'elle va revenir aussi. Hein. Donc, tu peux aller là. Pick a brain. Cléora, ça serait super. Voilà. Mais oui, envoyez-nous nos commentaires. Moi, personnellement, je trouve ça vraiment fantastique. C'est chronique sur les oiseaux. Mais j'aimerais bien savoir ce que les auditeurs en pensent, en fait. Tout le monde dit top dans la chatroom, donc je pense que tout le monde aime bien. Ouais, c'est super agréable et ça ouvre la curiosité, c'est super. Eh bien, on arrive à un moment crucial de la soirée. C'est le moment d'Eléa qui va nous répondre au quiz du moment. Eléa, c'est à toi. Ok, donc c'est à mon tour de prendre le micro pour vous parler de ce sujet tabou mais passionnant qui est vécu par 50% de la population de la planète et qui concerne théoriquement 100% de la population globale, mais dont on ne peut toutefois pas prononcer le nom. Ce sujet, ce sont les ragnagnas, les coquelicots, les anglais, les alertes rouges, les machins, les trucs, les communistes, les mickeys, les jus de grenade, les tu-sais-quoi, les fraises bouillies, les fleurs, ou même les ours. Ça a un lien tantôt avec la couleur, tantôt avec l'humeur, peut-être. Et c'est un truc de fou, parce qu'on n'est pas les seuls à avoir des expressions super bizarres pour éviter de dire qu'on a ses règles, tout en le disant. En Thaïlande, par exemple, on est au feu rouge. En Chine, on appelle le printemps. Au Québec, il paraît que Michel est en ville, ou qu'on est dans ses crottes. Et en Belgique, on perd ses viandes. Il y a de tout, hein. Il y a de l'humour, du glamour, du subtil. Je vous mettrai un lien avec un petit florilège. Peut-être que la formulation la plus poétique et la plus récurrente dans plusieurs langues, c'est « avoir ses lunes ». Les lunes. Mais tiens, c'est curieux ça. Ça n'aurait pas un rapport avec la question du jour. Alors nous, à peu de questions, on n'a pas peur d'utiliser les mots, les vrais. Hein. On va parler de règles. Donc les règles, c'est un écoulement de sang régulier depuis l'utérus qui a lieu cycliquement au cours d'une période qu'on appelle plus scientifiquement le cycle menstruel. Et la question du moment, c'était « est-ce que les phases de la lune influencent le cycle menstruel ?» Alors, je vais vous la faire courte, puisque si vous voulez, on fera un épisode plus complet sur les règles et comment ça fonctionne, à condition que vous nous envoyiez un message pour le réclamer. Mais globalement, tous les 28 jours, en moyenne, chez les femmes ayant atteint la puberté et n'étant pas encore ménopausées, c'est la fête des hormones. Un subtil cocktail moléculaire va être sécrété par le cerveau, va déclencher une réaction en chaîne conduisant à la maturation d'un ovule, et l'ovule va attendre sagement d'être fécondé, et si aucun spermatozoïde ne se pointe à l'horizon, il va se dégrader. Du coup, le tissu qui tapisse l'utérus, l'endomètre dans lequel est supposé se loger l'ovule fécondé pour devenir un bébé, s'il ne sert à rien, il va se dégrader et s'écouler par le vagin, ce qui fait qu'on a nos règles avant de repousser au prochain cycle, etc. Je vous ai dit 28 jours, mais sapristi, est-ce que ce ne serait pas exactement la durée du cycle de rotation de la Lune autour de la Terre ? C'est complètement dingue, peut-être qu'il y a un lien entre les deux. Alors, qu'en pensez-vous les auditeurs ? Globalement, dans vos réponses, vous pensez toutes que c'est une intox. Et si je dis toutes, c'est parce que, bizarrement, on a essentiellement eu des femmes qui ont osé nous envoyer un petit commentaire. Merci à celles qui ont participé. Alors, soyons précis, tout d'abord. En fait, la Lune, il lui faut 29 jours, 12 heures et 44 minutes pour faire le tour de la Terre. Bon, on est sur une approximation de 2 jours, ça va. Regardons ensuite la vraie durée du cycle menstruel. En vrai, ça varie beaucoup selon le pays et selon les femmes. 28 jours, c'est une moyenne qui est plutôt générale en Occident, à plus ou moins 4 jours quand même, hein. Et ça se situe plutôt autour de 31,8 jours, à plus ou moins 7 jours, en Inde. On est sur de grosses approximations, hein. Alors, les recherches sur le sujet n'ont pas été super évidentes, parce que c'est pas un sujet si tabou que ça en science, et il existe toutes sortes d'articles improbables sur les règles. Par exemple, le lien entre les règles et les problèmes de peau, on a plus d'acné avant les règles par exemple, le lien entre les règles et l'humeur, on est de plus mauvaise humeur avant les règles, disent certains articles, le lien entre les règles et l'activité physique, on est plus nul en sport avant nos règles. Il y a même des publics qui montrent que une étude de 10 femmes, on élimine la caféine moins vite, juste avant nos règles. Bon, il se passe toutes sortes de choses. On regroupe ça en général sous un mot qu'on appelle le syndrome prémenstruel. En gros, c'est quand les niveaux d'hormones sont à plat et que parfois on a envie de mourir ou d'étrangler quelqu'un sans réellement comprendre pourquoi. Alors, si on mesure tout, pourquoi pas l'effet de la lune ? J'ai dû creuser un peu, mais j'ai finalement réussi à mettre la main sur des obscurs articles, dont un qui m'a beaucoup marqué et qui a été publié en 1986 dans un journal d'obstétrique d'un département de gynécologie à Canton, en Chine, qui dit que sur 826 femmes, 28% auraient un cycle aligné autour de la nouvelle lune. Alors là aussi, on n'est pas sur un truc super précis, hein. Cet article mesure aussi que sur 2 femmes sur 3 testées, sachant que la mesure a été réalisée sur 3 femmes. D'ailleurs, le matériel et méthode précisent que les femmes n'étaient pas mariées, ça avait l'air important. Ces femmes avaient un pic hormonal dans les urines juste avant la pleine lune, et donc la conclusion est très forte. D'après cette étude, il y a une relation synchrone entre le rythme lunaire et le cycle menstruel. C'est plutôt catégorique. Et pas mal de gens qui justifient ce phénomène citent cet article. Alors, j'ai trouvé d'autres articles qui tentent même de fournir une explication rationnelle à la raison pour laquelle on se serait synchronisé au cours de l'évolution avec les phases de la Lune. Et attention, je vous la donne parce que quand même, je trouve ça assez recherché. Et Alexa, je serais intéressée d'avoir ton avis dessus. Alors, l'hypothèse proposée dans l'article que j'ai trouvé part du constat que la plupart des mammifères n'ont pas de cycle menstruel, à part les primates et les chauves-souris. Du coup, comme les primates et les chauves-souris sont capables de se tenir debout, physiologiquement, il faudrait que les spermatozoïdes luttent contre la gravité pour remonter les trompes ovariennes. Et comme on est composé essentiellement d'eau et que l'eau s'est soumise à la force de gravité, ben du coup, on ovule plus pendant les périodes où la gravité est la plus faible. Et donc, on se synchronise avec la Lune. Voilà, c'est une vraie proposition que j'ai trouvée dans une publi d'une auteure qui s'appelle Wang Chung-Hu et que j'ai trouvée sur le net. Alors vous en faites ce que vous voulez, ça paraît quand même un peu alambiqué. Alors c'est une vraie intox, je pense, parce que les chauves-souris se tiennent pas debout déjà. Et ensuite, elles ont pas un cycle menstruel comme nous du tout, et ça dépend des espèces, elles font de la diapause. Mais juste pour compléter, ce que tu disais sur la durée du cycle, notamment avec les phases de la Lune, maintenant, il faut savoir que il y a des apps sur le téléphone qui permettent de suivre les cycles menstruels de façon hyper précise. Alors, je peux vous donner un exemple. Justement, j'y viens. Ah, d'accord. Peut-être que je peux intervenir plus tard alors. Parce que justement, moi, mon cycle ne dure pas, varie énormément en fait, en termes de temps. Donc, on a des statistiques maintenant, les amis. On peut faire des petits graphiques Excel avec ce genre de choses. Et oui, et c'est tout l'intérêt. Donc bon, j'ai cherché pas mal de publis hein, qui sont étalés globalement entre 1937 et 2013. Certains font corréler le cycle à la Lune, d'autres pas. Certains trouvent que c'est à la nouvelle Lune que viennent les règles, d'autres à la pleine Lune. Du coup, c'est difficile de se faire une idée. Donc, qu'est-ce qui se passe si on analyse un plus grand nombre de personnes ? Je voulais t'interrompre aussi, les trompes ovariennes, elles sont pas verticales, hein. Elles sont horizontales. Oui. En plus. C'est l'affaire, en tout cas. Cet article est complètement fantastique et je vous enverrai le PDF parce que c'est quand même très fort. C'était audacieux comme hypothèse. Alors voilà, qu'est-ce qui se passe si on analyse un plus grand nombre de personnes ? Est-ce qu'on a les données pour le faire ? Et ça tombe bien maintenant, comme tu le disais Alexa, on a des applis pour tout, pour compter ses kilomètres, ses calories et même ses cycles menstruels et sa période d'ovulation. Alors, il y a une appli notamment qui s'appelle Clue et qui est très utilisée apparemment. Je ne sais pas si c'est celle que tu as. Moi, j'ai Flow. Je préfère Flow. Mais ok. Il y en a plusieurs, effectivement. Et donc, chez Clue, l'équipe s'est dit, bon, vu qu'on a des milliers d'utilisateurs, regardons ce que ça donne de mettre les règles de tout le monde sur un graphe en fonction du temps dans le mois. Résultat, sur 1,5 million de personnes analysées sur plus de 5 cycles d'affilée consécutifs, donc ça fait 7,5 millions de cycles, on se retrouve avec, roulement de tambour, une répartition très très régulière de chaque début de cycle sur tous les jours du mois. Donc la courbe est plate, il y a autant de proportions d'utilisatrices qui commencent leur cycle à la pleine lune ou à la nouvelle lune ou n'importe quel jour entre tous ces moments. Bon, ok. Mais n'allons pas si vite en besogne, c'est quand même pas une coïncidence. Si ça fait le même temps, il doit y avoir un truc. Alors, quand on sait que la production d'hormones dépend grandement de facteurs comme la luminosité, on se dit peut-être pourquoi pas, la période lumineuse et les règles, ce serait pas déconnant de mettre ça ensemble. Alors, qu'est-ce qui se passe si on regarde le lien entre la mélatonine, l'hormone du sommeil, et les règles? Donc vous vous rappelez, la mélatonine, c'est l'hormone dont la quantité se modifie en fonction du cycle jour-nuit. Topo avait fait une excellente chronique dans notre radio dessinée sur la nuit à propos de cette hormone. Et en gros, la lumière va empêcher la sécrétion de cette mélatonine et l'absence de lumière va permettre sa production. Et l'effet, c'est super rapide. Hein. Si vous vous exposez 15 minutes à la lumière, eh bien, la mélatonine va se dégrader très rapidement. En l'espace d'une demi-heure, elle aura déjà réduit de moitié. Et cette mélatonine, elle a un effet sur, semble-t-il, la production de progestérone, une hormone qui, elle, va intervenir dans la maturation des ovules et le cycle menstruel. Et il y a beaucoup d'études maintenant qui montrent que des gens qui travaillent de nuit ou qui décalent leur exposition à la lumière à cause de leur travail et de leur rythme de vie ont statistiquement plus de problèmes de régularité dans leur cycle. Il y a aussi un article de 2010 qui affirme que le soleil a en fait un impact sur les durées du cycle. Ils ont mesuré la durée du cycle en été et en hiver sur 48 femmes entre 2006 et 2009. Et résultat, il semblerait que la durée du jour soit inversement corrélée à la fréquence d'ovulation et que du coup, le cycle raccourcisse de presque un jour en été. Voilà. En tout cas, cette piste a été explorée. Il y a même un brevet qui a été déposé sur une technique de luminothérapie pour réaligner le rythme menstruel de façon plus régulière. Oui alors, mais du coup, si la lumière a une influence, la lumière de la Lune, ça doit pouvoir jouer aussi. Donc pour remettre en perspective les quantités, la luminosité de la Lune, on la quantifie par une unité qui s'appelle le lux, et c'est situé globalement entre 0,01 lux et 1 lux. Pour vous donner une comparaison, la lumière du soleil peut varier globalement entre 400 lux au lever du soleil et 120 000 lux en plein zénith à midi. Donc on n'est pas du tout sur les mêmes quantités de lumière reçues entre la luminosité de la Lune et la luminosité du soleil. Au niveau des éclairages dans les pièces, on est plutôt autour de 100 à 1000 lux. Et des études qui ont été réalisées sur des tribus de Papouasie-Nouvelle-Guinée qui ne sont pas déréglées théoriquement par les ravages de la civilisation et de la pollution lumineuse n'ont apparemment rien donné qui saute aux yeux sur les décalages de cycles. Donc, pour conclure, d'après mes recherches, statistiquement, il y aura toujours quelqu'un sur Terre dont le cycle est exactement calé avec le cycle de la Lune. Mais que la Lune ait une influence sur les menstruations, c'est globalement une intox, ou alors c'est beaucoup trop faible pour qu'on puisse le mesurer. Par contre, le temps d'exposition à la lumière du soleil semble avoir quand même un effet sur la régularité du cycle. Alors après, sur le plan symbolique et historique, voire mystique, en tout cas, on n'est pas prêt de sortir de cette idée reçue, et puis au final, si ça nous fait du bien de nous dire qu'on est aligné avec l'univers d'une façon ou d'une autre et que ça nous apporte du bonheur, finalement, vous croyez bien ce que vous voulez. Voilà. Je finis par une petite citation que Laure, une auditrice, nous a envoyée par email et qui, je pense, clôturera bien cet épisode pour cette émission, qui dit « Par exemple, vous prenez aujourd'hui, vous comptez 7 jours, ça vous emmène dans une semaine. Eh bien, on sera exactement le même jour qu'aujourd'hui, à une vache près, hein. C'est pas une science exacte. » Pour ceux qui, l'ont reconnu, c'est une citation de Camelot. Et voilà, sur ce petit trait d'humour, je clôt ma chronique. Non, mais après, il y a un truc intéressant par rapport à ce que tu disais sur la lumière et tout. Quand tu as des décalages horaires super constants aussi, et que tu décales tes cycles de sommeil et tout, mais du coup, ça va avec le sommeil aussi. Ça fout bien le bordel dans les cycles, parce que moi, je le vois en période de terrain, quand je pars toutes les 5 semaines en terrain avec des décalages horaires dans tous les sens. Ça change les choses, hein. Je veux dire, c'est, voilà. Après c'est N égale 1, hein, c'est moi, mais en fait, dans mon labo, en tout cas, les femmes, on a constaté ça, et je pense que c'est lié à ça, justement. Ouais, donc il y a plein de facteurs qui influencent la durée et la régularité des règles, et la lumière, et le temps de sommeil, et le stress, l'anxiété, et plein de facteurs, mais apparemment, la Lune n'est pas un de ces facteurs-là. Voilà, ben ouais. Et ben du coup, on va enchaîner tout de suite, maintenant qu'on a une réponse sur le prochain quiz. La nouvelle question. Le prochain quiz, du coup, Ce sera un quiz sur les plantes. Les plantes brûlent au soleil si on les arrose en journée, info ou intox. Voilà, et bien écoutez, on arrive au terme de cette émission. Dites-nous ce que vous en avez pensé, comme d'habitude. Hein. Vous likez pas, etc. Dites-nous si vous allez vous faire vacciner. Dites-nous ce que vous aimeriez entendre dans nos prochaines émissions. On a un calendrier qui est bien rempli. On a plein de délicieuses surprises, mais on compte bien perdurer comme ça pendant des siècles. Alors, on aime bien écouter vos desiderata. Et donc, bonne fin de semaine à tous. Bonne semaine, en tout cas. Et en attendant de se revoir, que servit la science soit votre joie.